Bonsoir, bienvenue sur Patriot.info, sur Libéré, sur Parole. Ce soir, blockchain, chaîne de Ponzi, crypto-monnaie, Ethereum, Bitcoin, que des mots nouveaux avec lesquels vous n'êtes certainement pas familiarisés pour certains d'entre vous. Et ben, on va essayer de comprendre ça avec notre invité, Francesco Condemi. Bonsoir, Francesco. Bonsoir. Alors, Francesco, bonsoir à tous, évidemment, ceux qui sont connectés. Si vous voulez d'ailleurs vous connecter sur le chat pour poser des questions, c'est dans le salon questions pour le direct sur le Discord. Alors, Francesco, toi, tu es venu parler des crypto-monnaies ce soir, mais je ne peux pas quand même faire l'impasse sur le fait que tu es un des fondateurs de Clap36, un collectif qui a réalisé des nombreux reportages de très très haute qualité. Qui sont encore disponibles sur Internet. Voilà, et pour ceux qui reconnaîtront certainement, parce que nous, ce sont des reportages qu'on a énormément diffusés sur Meta TV avec des sujets très intéressants. Donc, voilà, je suis obligé quand même de rappeler ça, c'est quand même pas anodin. Merci. Non, c'est pas anodin, et bravo vraiment pour tout ce travail. Mais bon, ce soir, tu es venu nous parler des crypto-monnaies. Mmh. Alors, un sujet qui intéresse énormément les gens parce que c'est tout nouveau. On n'y comprend pas grand-chose. Je vais te dire, pour un profane, crypto-monnaie, on entend. Alors, certains nous disent non, c'est de l'escroquerie, il ne faut pas tomber dedans. D'autres nous disent c'est l'avenir. D'autres nous disent oui, c'est le comment dire, espèce de nouvelle, comment dire, nouvelle économie qui va être révolutionnée en fait avec ce système là et j'aimerais ça c'est certain selon toi, bah c'est très bien, on va pouvoir expliquer aux gens un peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quelles sont les perspectives d'avenir pour ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est déjà crypto-monnaie? Parce que donc tu as un livre qui est en cours, hein, c'est ça? J'ai un livre qui est en cours, que j'aurais voulu présenter ce soir, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le finir. D'accord. Je ne suis pas le seul des invités qui répète cette phrase, mais c'est vrai, quand on n'est pas tous des salariés de l'éducation nationale ou de l'histoire de la culture, on est obligé quand même de faire autre chose pour survivre. Ouais. Alors, je suis de prof, hein, ce n'est pas un mot contre l'éducation nationale, mais alors d'abord, ce soir nous allons discuter de ce que c'est la blockchain, les crypto-monnaies. Ce n'est pas une mission technique. Hein. Alors, beaucoup d'entre nous, parce qu'ils sont ingénieurs ou informaticiens, connaissent les choses. Ceux qui veulent vraiment avoir des détails, il y a des vidéos qui sont très bien faites, hein, et qu'ils allaient les voir sur Internet. On ne va pas répéter les mêmes choses qu'ils sont dites. Moi, j'ai un angle qui est très différent, qui est l'angle d'expliquer un peu cette nouveauté, qui n'est pas tellement ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Oui, oui. Et de voir un peu quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à nous avec les crypto-monnaies. Parce que c'est à la fois quelque chose qui rassemble une grande escroquerie, comme on nous dit par exemple monsieur le président, le directeur général de la JP Morgan. Ouais. Mais bon, comme par hasard, une fois qu'il a dit ça, qu'il a fait chuter le Bitcoin, il en a racheté et il a fait une grande spéculation. Donc, c'est à la fois une source de spéculation très forte, une source de fraude fiscale très forte, dont le gouvernement, tous les gouvernements ont très peur. Et puis, c'est aussi une perspective d'avenir qui est incontournable. hein, et qui permet à ceux qui le sauront prendre de la bonne manière de pouvoir avoir un instrument qui permet de s'affranchir et de pouvoir avoir un certain degré de liberté dans ses propres activités, ses propres projets avec un fonds économique. D'accord. Alors, déjà, crypto-monnaie. Alors, crypto, c'est caché en grec. Crypto, ça veut dire caché. Ah, ça veut dire quelque chose. La monnaie cachée. Et en fait, les monnaies, pour exister, il doit être, avoir un esprit, un attribut qu'on dit fungis. C'est-à-dire qu'en fait, elles doivent pouvoir acheter, pouvoir échanger, s'approprier un bien à peu près de la même manière et de manière reproductible. Or, et c'est pour ça qu'on a très peur de la déflation et de l'inflation, parce qu'ils faussent la valeur de la monnaie, tout de à l'échange. Fait. Mais si tu regardes bien aussi ce que c'est qu'une monnaie, une monnaie et l'argent, ce n'est pas la même chose. Alors, explique-nous la différence. L'argent est une promesse sur le futur. Oui. D'accord. C'est-à-dire, j'ai de l'argent, et l'argent, il dit, avec moi, tu vas racheter une même type de marchandise ou une autre, d'accord, quand tu le voudras, si tu me détiens. La devise, c'est le support matériel de l'argent. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, avant l'Union européenne, il y avait donc l'espace économique commun, la CEE, et il y avait une monnaie qui était une monnaie unique, mais qui n'était pas encore matérialisé, qui était l'écu. Bon. L'écu, par contre, il n'avait pas de devise. Personne d'entre nous avait des écus dans les poches. Non. D'accord. Donc, on peut avoir très bien de l'argent et ne pas avoir de devise. Par contre, la réciproque est fausse. Si on a une devise, on a forcément l'argent derrière. D'accord. Ça, c'est ce qu'essayait d'expliquer d'ailleurs Marine Le Pen à Macron, mais qu'il n'avait pas compris. Oui. Je dis ça comme ça. Mais c'est intéressant. On va essayer d'être le moins possible polémique sur les questions, parce que je sais que ta télévision est regardée par des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Ah, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est l'intérêt quand même de tout ce que tu as fait comme travail, toi, personnellement, parce que c'était, moi, j'ai pas raté beaucoup de choses de ce que tu as fait. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, là, la chose qui se passe, c'est qu'on a une monnaie qui est une monnaie qu'en fait, qui vit sur Internet. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Cette monnaie, elle n'a pas de ce qu'on appelle dans les transactions économiques ou cadastrales, par exemple, un tiers de confiance. Qui est le tiers de confiance, par exemple, quand moi, tu as une maison à vendre, je vais l'acheter. Le tiers de confiance, c'est qui? Ben, c'est l'euro. Non, le tiers de confiance. C'est le notaire, pardon. C'est lui qui fait l'intermédiaire. Oui, mais... Et l'achat, donc il va dire, il va voir sur le cadastre qui appartient à l'ETIA, à qui appartient le bien, à qui est-ce qu'il est libre, est-ce qu'il n'est pas libre, etc. etc. et, tout, et on te le vend. Et lui garantit ça. Tout à fait. Et les notaires, dans la chambre nationale des notaires, entre eux, ils ont une petite blockchain, c'est-à-dire une communication entre eux, d'accord, c'est un club, qui disent... Ce bien-là, il appartient que à ce monsieur, à cette dame, ou à cette personne morale. Alors, le tiers de confiance dans l'argent, c'est la banque centrale. C'est la banque centrale. Voilà, c'est une banque centrale qui dit, voilà, moi, je suis le garant de ce qu'il y a derrière. Et donc, la promesse sur le futur qui est dans cette monnaie qui porte l'argent que j'ai fait, par exemple l'euro, eh ben, il va être garanti par moi. D'accord. Donc, si je suis une puissance de frappe nucléaire... Je peux la garantir, c'est parce qu'il y a des clubs après, hein, parce que tu sais très bien que l'argent qui, par exemple, il y a au Maroc, n'a pas la même valeur et la même valeur politique que le dollar, ou alors le franc, ou alors l'euro, ou autre chose. Donc il y a quelque chose derrière. Et puis tu as un élément qui est très important dans l'argent aussi, c'est que tu peux, avec cet argent, le thésauriser, avoir des intérêts, exactement comme ça se passe dans n'importe quelle autre devise. Alors, si on prend un exemple le plus parlant des crypto-monnaies, tu prends par exemple le Bitcoin. On parle toujours du Bitcoin. Bon, qui est une monnaie que... Le plus célèbre. Voilà, le plus célèbre, dont la technologie est complètement obsolète, et qui, en fait, est théorisée de manière très élevée depuis quelque temps. Donc, c'est une monnaie qui ne valait rien, et qui maintenant vaut environ entre 7 000 et 12 000 euros. Salairement. C'est une monnaie qui varie beaucoup. Hein. Mmh. Imaginez si vous avez par exemple 1 euro et avec cette monnaie-là, avec 10 euros, vous vous trouvez avec une déflation, une inflation de 40% en une journée. Ce serait ingérable. Ça ne sert à rien, Gérard. Alors, tu as en fait avec le Bitcoin une monnaie qui est une monnaie généraliste. C'est-à-dire avec ça, je peux acheter tout ce qui est, tout ce que je peux, et tout ce que et toutes les personnes, les enseignes, les marques, les commerçants, les entrepreneurs qui l'acceptent. Mmh. Et on verra qu'il y en a de plus en plus. Mais en plus de ça, il faut être certain que cette monnaie-là puisse être vérifiée. Et alors, comment ça se passe? On fait un exemple d'abord de base. Imaginons qu'on est un groupe d'amis. On décide de créer une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie entre nous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, on fait une mailing list, par exemple. Et dans cette mailing list, à chaque fois, il y a 100 d'une monnaie qui s'appelle 100 TEPA, par exemple. Chacun en a 10, on est 10 potes. Et à chaque fois qu'on échange, je vais dire sur la mailing list, attention, je viens donner 3 TEPA à Guillaume. Et tout le monde le sait. D'accord? Parce que tout le monde envoie un mail en vous disant, je te transfère le mail qu'il m'a envoyé Francesco pour dire que c'est vrai. Donc ça, en fait, ce fonctionnement de vérification, pour éviter que le même Francesco donne encore 3 TEPA, non seulement à TEPA, mais à Yann, à Guillaume et à Yann, d'accord. Donc, on va faire attention pour qu'on sache à un moment donné qu'est-ce que Francesco il a comme crypto-monnaie. D'accord. Alors, ce système de vérification, on ne va pas aller plus loin, ça s'appelle la blockchain. C'est ça, la blockchain. C'est la blockchain. C'est-à-dire, alors c'est la blague que tout le monde fait, donc je la fais moi aussi, parce que sinon je ne vais pas être, pas être sérieux. Bloc de chaîne, hein, blockchain, ça dit bloc de chaîne, de chaîne. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'information qui est donc qui est tenue dans les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, est hachée, c'est-à-dire qu'elle est réduite en simple valeur de informatique, en langage informatique, des 0 et des 1. Par un système qui a à voir avec la vérification de la blockchain, qui est écrite avec un système qui est très stable, qui s'appelle C++. Et donc, je fais exactement ce qu'on a fait avec la mailing list, mais je le fais puissance 10. Un million, quoi. Parce que tout ça, ça implique le monde entier et tous les gens qui ont participé. Il faut savoir que le Bitcoin, donc je ne vais pas servir ce... Je ne veux pas sortir les noms que tout le monde connaît, parce que justement, une des caractéristiques de la monnaie virtuelle, c'est qu'en fait, on est entré dans le monde des trouvailles managériales très à la mode, c'est-à-dire du VUCA. Hein. Ah oui, le VUCA. Volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est-à-dire, grosso modo, tu ne sais jamais où tu en es. C'est ça la vraie histoire. Tu ne sais jamais quand. Et une fois qu'on a fait ça, donc. Au niveau mondial avec le Bitcoin, on envoie des mailing lists, c'est-à-dire la blockchain se met en brawl pour fabriquer un bloc, d'accord, environ tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, nous avons une vérification de la totalité des échanges, des transactions qu'il y a eu avec le Bitcoin. Alors, inutile dire qu'après quelques années, c'est devenu une masse d'informations absolument monstrueuse. Hein, si tu veux télécharger, par exemple, un wallet, maintenant, tu peux mettre plusieurs jours pour le faire. Donc, c'est quelque chose... Alors, en plus, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a... Donc, on prend toujours le cas du Bitcoin. On peut décider... Donc, il faut savoir que le GOX, qui se trouve, donc, qui est la plateforme d'échange, enfin, de consultation, le gouvernement du Bitcoin. Bon, il y a eu pas mal de scissions dernièrement, etc. et tout. Qui était une ancienne en fait plateforme d'échange de cartes magiques, c'est un peu le Parlement et ils ont décidé au départ de combien de Bitcoin allait en fabriquer. D'accord. C'est pour ça qu'on dit il y en a 21 millions. Je crois que c'est simple. 21 millions de Bitcoin au plus. Bon. Alors quand on dit ça. Je voudrais qu'on m'apporte un chercheur, quelqu'un qui est un homme de droit et qui me montre toutes ces règles-là. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on raconte, n'ont été vérifiés par personne. Ah, c'est-à-dire que ça, c'est comme une assertion, il n'y a pas de... Y a pas Mais de... c'est comme quand on dit, par exemple, que la blockchain le C++ est un langage très stable, mais la blockchain n'est pas falsifiable. C'est Oui. faux, la blockchain est falsifiable. Il y a un certain nombre de bitcoins qui ont été perdus à jamais, et il y en a d'autres qui ont été falsifiés. Mais en plus de ça, il faut savoir que la seule vraie raison pour laquelle la blockchain n'est pas falsifiée tout le temps, en tout cas, elle ne l'est plus maintenant, parce que c'est impossible, c'est parce que pour aller vérifier le Bitcoin, ou pour le produire lui-même, pour dire je viens d'inventer un Bitcoin, cela coûte tellement d'argent, parce qu'il faut faire marcher des ordinateurs, des cartes graphiques, etc. Hein. Il y a des fermes Bitcoin, par exemple, en Chine, qui sont énormes, hein. C'est grand comme des hangars. Ça coûte tellement d'électricité qu'en fait, ce que vous faites pour la falsification vous coûte beaucoup plus cher que si que l'acheter le De quel Bitcoin. acheter? Alors, quand on parle de tarifs d'électricité exorbitantes, il faut voir que rien qu'aux États-Unis et au Canada, le Bitcoin consomme l'équivalent de la consommation d'électricité de 1,2 million de foyers. Donc c'est énorme comme question. Hein. Donc nous verrons un peu ce que ça impliquait. Alors, l'axe principal maintenant des crypto-monnaies, après on verra, hein, tu vas m'interroger là-dessus, c'est pour l'instant le futur se partage en trois. D'abord, fraude fiscale, spéculation et possibilité d'échange monétaire autre. Alors, tu as parlé de Clap36, mais enfin, moi je n'ai pas fait que ça dans la vie. Et c'est vrai que moi je viens du mouvement. Ça fera sans doute plaisir à certains des invités qui sont venus ici. Moi je viens de la gauche libertaire. Voilà, c'est comme ça. Et Très bien. j'ai donc travaillé beaucoup avec des certains milieux comme Zaléa Télévision, tous ces groupes un peu de gauche, bien Bien que sûr, j'ai oui. fini un peu mal. Et ils sont, et si tu veux, moi à l'époque, il y a une quinzaine d'années, je travaillais avec des personnes qui étaient dans les SEL, donc les Ouais. systèmes d'échange locaux. Oui. Et si tu veux, moi, quand j'ai vu ça, il y a une dizaine d'années, arriver, c'est-à-dire les crypto-monnaies, je les ai regardées avec une certaine distance et pas vraiment d'intérêt, parce que je me suis dit, de toute façon, je sais comment ça va finir tout ça. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais dans les SEL. Et donc, les SEL, ce sont des systèmes d'échange locaux. Tu fais un cours de mathématiques pour mon fils qui est en CM2. Moi, je te Ah, prépare un d'accord. peu le toit, etc. Et tout ça, ça Ok, se passait d'accord. comme ça. J'avais des amis qui avaient monté des structures économiques comme ça. Et une fois, j'étais en Ardèche chez des amis et on a vu débarquer une petite 104 blanche accompagnée par un camion de la gendarmerie. Et qu'on a dit, ça s'appelle du travail illégal, vous arrêtez maintenant tout de suite. D'accord? Ah Quand je vous fais ouais? embarquer. Voilà, et D'accord. c'est passé comme ça, les selles. Hein. D'accord. Donc, après, tous les années, vous rencontrez des histoires, des complots, des machins, des contre-complots. Au bout d'un moment, on est tombé là-dessus. D'accord? D'accord, Donc, il y avait quand même monté les selles, qui avaient monté les piafs, il y avait plusieurs monnaies virtuelles qui remplaçaient le franc, tout simplement pour que. Bon, avec la technologie, donc la blockchain, mais il y en a d'autres de technologies qui servent à vérifier. Par exemple, il y a les graphiques en cyclique orientés ou non orientés, une autre technologie qui est beaucoup plus rapide et qui marche mieux et qui permet de faire la vérification sous la double affectation. Parce que tout ce qu'on a peur dans la crypto-monnaie, c'est que par ordinateur, je puisse acheter avec mes crypto-monnaies deux fois ce que je puisse l'utiliser deux Deux fois, fois. en faussant donc le jeu total. Bon, il y a des technologies qui permettent ça. Et donc, on va commencer par le positif, si tu veux bien. Il y a la possibilité à l'heure actuelle de pouvoir s'extraire très fortement. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, je ne sais pas si les gendarmes vont débarquer, m'arrêter, me faire Je pense parler. pas, Mais moi, par vous. exemple, je connais des artisans qui travaillent maintenant avec du Bitcoin. Ouais. Qui savent. Bon, l'intérêt est évident, c'est que ce n'est pas déclaré. C'est pas déclaré, C'est pas déclaré et tu te balades pas avec des liesses oui. de 100 euros une fois que tu as fini de faire le tour de la voisine. Mais il y a d'autres problèmes aussi qui ne sont pas évidents. Si tu veux, même un utilisateur moyen d'Internet, ce sont quand même c'est tout un monde. C'est tout un monde. On va prendre par exemple le cas le plus connu de certaines plateformes. Et puis aussi, on va voir un peu comment ça marche. Mais je préfère que tu me poses les questions parce que... On a besoin de comprendre un peu, c'est vrai, comment ça fonctionne. Parce que, c'est-à-dire, n'importe qui peut avoir accès... Mais moi, j'ai emboîté une voiture. Mon prénom, c'est Francesco. Oui. Et maintenant, je me suis fait jeter parce que je n'ai pas valorisé ma monnaie. J'ai emboîté une monnaie qui s'appelle Cesco, par exemple. Chacun peut faire sa monnaie. Chacun peut faire sa monnaie. Et il y a des plateformes qui le font. En ce moment, par exemple, ceux qui veulent spéculer, qui s'intéressent bien à Dog ou Dogecoin, cette année-là, c'est l'année du chien, chez les Chinois. Et ça monte, ça descend. Il y a des personnes qui se lèvent à 2h du matin pour acheter d'un côté, pour vendre de l'autre, etc. Et tout, j'en connais. N'importe qui peut le faire. Pour voter. La question est de savoir comment tu la valorises. Qui va te faire confiance? Oui. D'accord. Et surtout, comment tu fais pour rapatrier ton argent? En plus, oui, parce que c'est pas évident. Parce que toi, tu dis, tu sais, quand on entend parler, il y a des gens qui sont milliardaires en Bitcoin. Moi, ça me fait rigoler. Je me suis dit, à quoi un milliardaire en Bitcoin? Oui, parce que ça veut dire quoi? Mais Bitcoin, après, je fais quoi? Je peux les transformer à. On prend un cas simple, pour ceux qui veulent aussi comprendre un peu. Et alors, je ne conseille à personne d'investir dans les crypto-monnaies. Mais bon, on peut, si vous avez des petites économies, acheter 20, 30, 50, 100 euros pour faire une expérience. Et puis voilà, ça pourrait être très marrant. On peut comprendre un peu ce que ça veut dire. Alors, tu as par exemple des sites qui sont des sites très... par exemple, tu as Coinbase, qui est un site internet qui est situé à San Francisco, qui est un des leaders mondiaux sur les crypto-monnaies, qui vend essentiellement de l'Ethereum, qui utilise une autre technologie justement que la blockchain, et qui a un langage très accessible et tout à fait à la portée de tous ceux qui ne sont pas ingénieurs, qui ne connaissent pas ces processus. Et donc tu rentres dedans, tu t'inscris. Bon, alors il faut déjà savoir une chose, quand on dit que c'est complètement anonyme, je ne connais pas de site, d'accord, dans laquelle on ne te demande pas une preuve de qui tu es. Alors, Coinbase ne te demande rien d'autre que faire une photo devant ton écran d'ordinateur de ton passeport. Voilà. Donc ça va. Ça va. On s'est compris. Donc, donc eux, ils savent qui c'est. Eux, ils le savent. Alors, et par exemple, la Réserve fédérale américaine a demandé à Coinbase au mois de novembre de donner toute la liste des personnes qui étaient inscrites chez eux. C'est pour dire qu'ils connaissent, mais c'est bon. Tu as autre chose qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, qu'une fois que tu as acheté chez eux, par exemple, des bitcoins, tu as décidé d'en vendre une partie. Donc à ce moment-là, il faut que tu donnes le compte de ton compte en banque à toi, et tu payes la transition, d'accord, et ça revient sur ton compte en banque à toi, par exemple, de la Société Générale. Et ça revient en monnaie, on va dire. Et ça revient en monnaie, en euros. En euros, par exemple. Voilà. Alors, et bien évidemment, le deal qui s'est passé entre Coinbase et la banque, d'accord, mais déjà Coinbase est un site qui donne de l'argent à la banque, ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi Coinbase, il le fait? Ça, c'est une question, ouais. Parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fait une monnaie, d'accord, et puis l'autre, tu la payes en euros. C'est quand même bien. En fait, il te la paye tout simplement en euros parce que toi, tu l'as acheté chez eux en euros. Et quand tu la revends, la banque qui soutient Coinbase, d'accord, dit tout simplement, on sait qu'il y a ça de volume général des acheteurs chez vous. Donc, pour les transitions qui n'en vont pas de la 10-15% par d'une certaine somme, on vous paye parce qu'on sait qu'il y a de l'argent qui rentre. Bon. On vous paye, mais bien évidemment, quand on caisse de l'argent chez toi, tu as un plafond maximum que tu ne peux pas dépasser. Si tu veux le dépasser, tu as encore toute une autre procédure qui est beaucoup plus compliquée. Et tu payes la transition. C'est comme ça qu'il se paye Coinbase. D'accord ? C'est important qu'on voit ces mécanismes parce que je pense que les personnes vont très vite sur ces petits détails qui ont à voir avec le rapatriement des bitcoins, l'achat des bitcoins. Mais je pense que si on veut comprendre un peu, quand on est complètement profane, comment ça se passe, il faut donner des exemples. Voilà, tu vois. Alors, voilà que donc j'ai un site internet qui héberge mes bitcoins et mes crypto-venues, on va dire les bitcoins, et je peux les vendre, les acheter. Je peux par exemple acheter en bitcoin, directement en bitcoin, sur certains sites, d'accord, qui existent et qui vendent des marchandises, d'accord, uniquement en Bitcoin. Il y a par exemple un garage en Californie qui vend des Lamborghini, des Rolls-Royce, des Ferrari, uniquement en Bitcoin. Donc, s'il y a encore, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça. C'est pas un accord entre mafieux, je vois pas à quoi ça sert. C'est vraiment le truc, le plus, c'est évident. Il y a vraiment des évidences. Donc on en revient, donc on peut acheter plusieurs choses. Mais toi, ce que tu gardes toi, c'est un certain nombre de bitcoins sur un site internet. Mais si je veux, je peux installer une application sur mon ordinateur ou sur mon smartphone. Et à ce moment-là, j'ai un wallet. C'est un portefeuille, traduction. Un portefeuille dans lequel j'ai toutes mes crypto-monnaies dessus. Et à chaque moment, je peux décider d'acheter cette crypto-monnaie, vendre celle-là, etc. etc. Et j'ai donc une application qui est complètement mobile et qui m'appartient tout le temps. D'accord. Cette application-là est une application qui marche avec une petite clé USB. Et à chaque fois que je me branche dessus, je suis directement connecté sur le réseau mondial. Je connecte directement mon wallet sur le réseau mondial. Donc autant dire que, sauf s'il y a une guerre atomique totale, il y a toujours quelqu'un qui va avoir son serveur et donc on gardera tes bitcoins. Toi, pour t'identifier par rapport aux autres, de ce qu'on appelle une clé privée. Ces clés-là, c'est une clé privée, c'est-à-dire c'est un document que tu dis que tu es toi. D'accord. C'est le jour où tu achètes les monnaies, on te donne cette clé. On te donne cette clé-là. D'accord. On te donne cette clé-là qui est accompagnée aussi d'un QR code. D'accord. D'accord. Donc, tu n'as pas forcément besoin. Mais tu as besoin du QR code. Par exemple, il y a certains bars dans Paris qui ne marchent qu'avec des bitcoins. Donc, tu vas avec ton smartphone et tu prends ton demi et puis voilà. Et donc, je paye avec ils scannent ton QR code et on t'enlève la partie de bitcoin que tu as acheté. D'accord. Ta bière. Et tu as une clé aussi qui est une clé pour te manifester aux autres et avec laquelle tu peux acheter. D'accord ? D'accord. Une clé publique, une clé privée. Voilà. Ça, c'est un peu. Je ne sais pas si on peut faire plus simple que ça parce que franchement, j'ai répété ça à plusieurs personnes. Je me suis entraîné pour voir qu'est-ce qui contrôlait de ça. Il m'a dit écoute, on ne voit pas trop comment ça marche, mais on a compris le principe. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, pas seulement ni des étudiants, ni des profanes, qui sont obsédés maintenant par cette histoire qui a fait un petit produit. J'ai entendu même quelqu'un de l'humanité l'autre jour parler sur internet du bitcoin, etc. et tout. En fait, je comprends la blockchain, ils n'y comprennent rien. Mais alors, toi, là, aller parler des crypto-monnaies sans parler de la blockchain, tu passes pour un imbécile. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, en fait, parce que si on veut parler vraiment de la blockchain, tous ceux qui ne sont pas Black plus 5 ici, vous pouvez éteindre l'ordinateur et partir. Je ne vois pas comment te dire. Je ne trouve pas d'autre moyen pour pouvoir expliquer de manière plus simple. Ça. Après, c'est des maths pures et ça s'arrête là. Bon. Donc, les crypto-monnaies, pour l'instant, ils sont utilisés selon trois modalités principales. Une fraude fiscale, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux cacher de l'argent. D'accord. Mais c'est aussi vrai si tu as fait un braquage. D'accord. Tu peux acheter maintenant par PayPal des crypto-monnaies. Oui, c'est alors là tout est caché. Alors là, tu te perds dans le réseau mondial et après tu disparais. Et ni le fisc, ni qui que ce soit, t'es pas obligé de raconter à tes voisins, ne sait que tu es détenteur d'une petite fortune que tu peux mobiliser à un moment donné. Oui, parce que en fait personne à part personne ne peut savoir à qui appartient en fait le bitcoin. Alors, c'est à la fois une grande très fascinante. Mais c'est quand même très inquiétant parce que imagine, on revient sur le cas de la maison de notaire. Tu as au bout d'un moment Ludovic qui va arriver et qui va dire non, mais cette maison elle appartient pas à tes parents, je sais pas s'il a acheté ou pas, ça, il est à moi. Bon, bah, maintenant elle n'est pas à toi. La preuve, c'est qu'on va voir le notaire, non pas le notaire d'ailleurs, tout le papier, on va au cadastre, on va voir. Et ça s'arrête là. Le tiers de confiance, je dis mais non, c'est pas Ludovic, ça t'est pas. Et ça s'arrête là. Si jamais, d'accord. Je veux prendre Ludovic. Je lui fais des sévices. Je lui fais signer un papier comme quoi, plutôt toi, tu vas donner la maison à Ludovic. Bon, il y a une infraction pénale, d'accord. Et de toute façon, le cadastre, n'acceptera pas le papier. Il dit non, mais moi ça part chez le notaire, c'est pareil, tout, non. Et toi, entre-temps, tu as eu le temps de déposer plainte pour sévices, etc. Or, si je fais ça avec les crypto-monnaies que je vais distorquer par la violence vont définitivement, aux yeux de la planète tout entière, m'appartenir à moi, à mon code privé, à moi. Et c'est le vrai problème à l'heure actuelle. Un des vrais problèmes à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, qui va protéger les détenteurs du Bitcoin et crypto-monnaie? Alors, il y a ce fameux jeune enthousiaste, on va dire, qui était en Thaïlande, qui nous a tous pris pour des abrutis pendant 2 ans, en disant, regardez, moi, je suis la belle vie, j'ai la piscine, j'ai les jolies filles sur les décapotables, etc. et tout. Bah, il est arrivé ce qui devait arriver, à force de se vanter. Il y a 2 semaines, ils sont rentrés chez nous, chez lui, ils ont chauffé les pieds, et il a perdu, je ne sais pas combien de millions de bitcoins. Ah d'accord, ils sont venus le torturer pour... Donc il faut faire attention. Et maintenant, même si le fait est reconnu, la police a pris une plainte, il a vu tout ça, mais les bitcoins, ces bitcoins à lui, qui sont maintenant dans la chaîne globale, c'est fini. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Or, je peux faire ça avec le Bitcoin, une crypto-monnaie, mais je peux faire ça pour n'importe quelle activité économique. Imaginons que je veux monter une entreprise de covoiturage. Il y en a plusieurs en France. Oui. L'entreprise de covoiturage, donc je veux faire une entreprise de covoiturage qui va marcher avec une blockchain covoiturage qui va donner de la monnaie, d'accord, qui va s'appeler covoiturage coin, d'accord, avec des jetons, ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, ouais. D'accord, la monnaie, les jetons, pour ça. Voilà. Donc, à chaque fois, je peux fabriquer une crypto-monnaie. Mais il y a une bourse aux crypto-monnaies qui existe aussi. C'est-à-dire que cette monnaie covoiturage coin pourrait être mise en parallèle avec des bitcoins qui pourraient on peut la mettre en parallèle avec Dogecoin ou autre chose. D'accord. Oui. Et on a des systèmes à l'heure actuelle qui s'équilibrent par le libre marché, on va dire. Bon. Pour l'instant, ces choses-là, c'est-à-dire les crypto-monnaies, et l'activité autonome, si tu veux, libertaire d'appropriation de ces choses-là, à ma connaissance, elle ne s'est pas encore faite. Et à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je pensais que c'était justement les milieux auxquels moi j'avais participé avec les SEL ou des petites communautés en Ardèche qui allaient prendre le relais. En fait, pour l'instant, je n'en connais aucune. Mais c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire c'est le futur, c'est inévitable. Et il y a des pays à l'heure actuelle, comme le Vietnam ou le Japon, qui payent en bitcoin pour des sommes de plusieurs centaines de millions de dollars par jour de ça. Tu vas au Vietnam, n'importe qui achète et vend avec du bitcoin. C'est incroyable. Mais même sous marché, même des fruits et légumes. Hein? Donc, si tu veux, l'adhésion de la multitude des abonnés à Internet a fait qu'au bout d'un moment, les personnes se sont dit probablement, finalement, est-ce que ces monnaies et les moins fiduciaires, qui tient sur la confiance, que l'euro ou d'autres monnaies de singe comme le dollar. Oui, bien sûr. Hein? Et donc, tu as en fait, elle est portée par la masse des gens. Et c'est pour ça qu'elle est valorisée. Et c'est pour ça que, comme tu peux le remarquer, j'ai fait le compte l'autre jour, d'ailleurs, j'avais lu un article qui avait fait de manière un peu plus précis que moi le compte. Le bitcoin était donné pour mort depuis l'origine plus de 250 fois. Il est toujours là. Hein? Et il sera toujours là. Bah, en plus, il y a un moment, enfin, les bitcoins, il est donné quasiment au début. C'était un truc, ça valait rien. Mais ça valait rien. Ça a été inventé. Ça valait zéro, puis ça valait quelques centimes ouais, c'est de dollars. Et puis ça a plongé. Alors, l'histoire, il faut savoir, c'est qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Laszlo. Et ce monsieur-là, un jour. Ah oui, Laszlo Aniex, j'ai noté son nom. Et voilà. Probablement, on aura vu le nom, mais j'en sais rien. Et parce que même sur la paternité et tout ça, la paternité remise en cause, tout à fait. Ouais. On est en plein volatile, incertain, complexe et ambigu, en fait, on ne sait pas d'où ça vient. il a dit, moi je veux bien t'autoriser ça, le vendre, l'acheter, c'est vrai et tout, mais je voudrais savoir si avec cette monnaie-là, quelqu'un veut bien me donner, il était très intelligent, il n'a pas dit une pizza, il a dit deux pizzas. Hein, parce que le fait qu'ils le mettent au pluriel, ça rompt la chaîne de référence. Et en fait, il a attendu quelques jours, tu dis, avant qu'il y ait quelqu'un qui lui vende. Alors, il faut savoir que le HFT, c'est-à-dire le High Frequency Trade, ce sont des centaines de milliers d'opérations à la seconde qui se passent dans les bourses, hein, avec les robots, etc. Donc, avoir attendu quelques jours, c'est dans le monde de la spéculation et de la, si tu veux, de la bourse, oui, c'est, pas, c'est une éternité. C'est, oui, d'accord. Mais au bout d'un moment, il les a eus, ces pizzas. Il les a achetés 10 000 bitcoins. C'est-à-dire, si tu tiens compte des fluctuations, entre 30 et 40 millions de dollars. D'accord. Donc, c'est les pizzas les plus chères de l'histoire de l'humanité. Qu'on sache. Bon, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'était bon, si pizza? On ne sait pas. Mais c'est lui qui a envoyé la dynamique. On a dit, tiens, finalement, on peut vraiment la faire circuler. Et maintenant, tu as des sites, comme je te disais, des garages, ça, c'est une caricature, dans laquelle le bitcoin a libre cours. Et même si tu vas à Paris, maintenant, il y a des bars dans lesquels tu payes en bitcoin. Oui, en bitcoin, ouais. J'ai vu qu'alors qu'il y a des villes, d'ailleurs, tu me le disais, des villes où tu peux payer absolument tout en bitcoin. Enfin, alors, c'est très répandu. France, alors, pas en France. Pas en France, mais par contre, moi, j'ai Londres, New York. Voilà, Londres, New York, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Imagine que, par exemple, je suis maire d'une petite ville et j'ai dit, moi, quand il y aura grève ou quand la comptine ne marche pas, je vais automatiquement vous redonner l'argent, d'accord, sous forme de tokens, c'est-à-dire de jetons, pour prolonger votre abonnement scolaire de votre fils ou de votre fille, et je peux le faire avec une crypto-monnaie. Je n'ai pas besoin de passer par des euros. Oui, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et donc, la pression va être très forte et tôt ou tard, quelqu'un va le faire. Bon, pour l'instant, on a beaucoup parlé. Donc ça, c'est la perspective positive. Les perspectives négatives qu'il y a, ben, il y en a une qui est négative pour l'État, c'est la fraude fiscale, c'est évident, d'accord. Beaucoup de monde connaît des personnes qui, à leur tour, font des chantiers, enfin, le travail au noir, qu'on appelle, qui existe, qui est la réalité. Bon, ça, je vais te dire, c'est gros comme une maison, c'est pas la peine d'attendre 10 ans, oui, c'est le cas oui. Maintenant, ça existe maintenant. Moi j'ai nom et prénom, je ne dis pas. Ah ouais, ouais, bah, voilà, donc. Et puis, pour l'instant, le troisième vraiment existant, c'est crypto-monnaie, c'est la spéculation. C'est-à-dire, en fait, pour l'instant, c'est un outil spéculatif parce que ceux qui les ont, ils ne les vendent pas vraiment. Parce que son oreille cesse de monter. Donc, c'est une possibilité que tu as de valoriser. Donc, les gens préfèrent le garder. Mais c'est un peu une forme de spéculation, comme de l'épargne un peu aussi. Voilà, de l'épargne non déclarée. Ouais, d'accord. Imagine que un jour, quelqu'un te donne 10 000 euros parce que tu as fait un travail, c'est vrai et tout. Tu n'as pas envie de l'avoir. Tu prends le train, tu vas à Londres ou n'importe où. Tu achètes des bitcoins sans le dire à personne, tu reviens. Tu peux contrôler ton compte et tes bitcoins et tes autres crypto-monnaies par là et tu ne le dis pas. Et personne ne le fera jamais. L'État ne peut même pas te soupçonner. Tu vois, c'est une sacrée révolution. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une sacrée révolution parce que, si tu veux, à Bercy, il y a eu une réunion ministérielle au milieu du mois de décembre, dans laquelle il a été question de crypto-monnaie parce que les gouvernements sont paniqués. Ah ben, de toute façon, j'allais t'en parler. Les gouvernements sont paniqués. Parce que entre le moment où en fait on a fait la préparation de cette émission. Oui, et aujourd'hui. Mais je te l'avais dit, hein. Et il s'est passé. C'est pour ça qu'on va en parler. Ouais. Mais il s'est passé justement beaucoup de choses. Et tu me l'avais dit, Rando, tu m'as dit. Les gouvernements sont en panique, ils vont bouger. Et effectivement, depuis, il s'est passé pas mal de choses parce que j'ai vu dans l'actualité. En fait, tous les gouvernements ont pris une position, quoi. Alors, il y en a qui, visiblement, qui vont les saler. Et puis d'autres, enfin, on va en parler. Et d'autres qui vont vouloir se virer. C'est comme l'histoire du streaming. Ouais. Bah, bien sûr, de temps en temps, on prend un gars de 17 ans, on lui met 3000 euros d'amende, d'accord, on dit ouais, voilà, c'est interdit, etc. Et tout. C'est interdit, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et c'est ce qui se passe partout. Les Indiens disent chez nous, on va pas utiliser Bitcoin, c'est interdit. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas empêcher les gens d'aller sur Internet? J'ai vu la Chine aussi qui a pris des mesures contre les. Mais la Chine, ils sont les plus grands fabricants de Bitcoin. C'est paradoxe parce que voilà, c'est les plus grands utilisateurs de Bitcoin, mais le gouvernement chinois, ils vont debout ils ont pris des mesures incroyables, visiblement contre le Bitcoin, contre les crypto-monnaies, ils veulent même toutes les interdire. Oui, bien sûr. Moi, je demande, d'accord, qu'on me montre comment faire pour interdire les crypto-monnaies. Je veux qu'on me le montre concrètement. C'est comme l'histoire, c'est l'exemple le plus qui s'approche le plus, c'est streaming. Oui. Tu sais très bien, d'accord, qu'il y a de, je sais pas combien de millions de vidéos qui sont téléchargées illégalement par jour. Et tu ne peux pas. Pourtant, et c'est moi, j'ai décidé sur une économie en plus qui est une économie particulière. Un cas comme ça. Imagine que j'ai une maison dans la Creuse. D'accord, j'ai des voisins qui ont un potager, un autre que je sais qui fait de la menuiserie, un autre qui vend des fringues, etc. Et tout. J'ai pas besoin de dire quoi à qui que ce soit. J'ai dit, écoute, entre nous, on fait ça en crypto-monnaie. D'accord, on le dit à personne. Et à chaque fois, donc chacun met un tribut en euros pour commencer, et à chaque fois, on se change ça. Et à chaque fois qu'on fait rentrer quelqu'un dans notre blockchain, si tu veux, dans notre membre à nous, d'accord, on le coopte. Et on lui donne une partie. Et on lui donne une partie, d'accord. Bon. Alors, la question est la suivante. Je vais aller chez Dédé pour aller prendre le lait, chez Louis pour aller prendre les pommes de terre, l'autre est là, des vieux freins, etc. Et tout. Moi, je lui donne un cours de mathématiques, exactement comme on faisait au moment des selles. D'accord. Et on se paye comme ça. Qui va nous empêcher de faire ça? C'est impossible. C'est impossible. D'accord. Donc, le gouvernement le sait très bien. Il sait que les crypto-monnaies, c'est la forteresse ultime et définitive, mais ultime, pour tout ce qui est travail au noir, c'est évident. C'est là-dessus qu'il va se faire, là-dessus qu'ils vont se faire les grandes fortunes des crypto-monnaies. Je pourrais même te dire, hein, j'ai entendu dire, mais je ne le connais pas. Mais j'ai, par exemple, j'ai entendu parler d'un artisan qui devait vendre une camionnette. Et il a vendu, il a fait les papiers et tout ça avec le changement de carte grise. Il a pris, il a donné gratuitement. Il s'est fait payer en bitcoin la camionnette. La chaudière qu'il avait mis, il se l'est fait repayer en bitcoin. Il a repayé lui bitcoin la partie des pots de peinture qu'il avait pris. Et ça ne se voit pas. C'est impossible à voir. Parce qu'au niveau de la transaction, tu n'as même pas de mettre. Tu ne mets même pas l'objet de la transition. Tu ne mets pas pour le toit. Oui, oui, c'est voilà. C'est fini. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est, ça nous donne une capacité d'avoir une distance par rapport à l'État. On va discuter de ce qu'on ferait dans un. Qui est définitive et que je ne vois pas comment ils peuvent. Je suis catégorique, ils n'ont pas les moyens de pouvoir intervenir là-dedans. Et ils le savent, et ça les fait très paniquer. Ça les fait véritablement. Parce qu'en gros, c'est le monopole de l'argent. Qui n'est plus un monopole en fait. Ce n'est plus un monopole, comme dans le monde dans lequel on vit. La force, le monopole de la violence qui était celle de l'État par l'armée, par les flics. Bon, tu sais très bien que dans la région parisienne, là où on est, il y a plus de vigiles qu'il y a de flics. Bon, alors, si tu avais dit ça il y a 20 ans, qu'il y a encore dans la région parisienne, il y aura plus de vigiles que de flics, tout le monde te prenait pour un fou, c'était inimaginable. On m'a dit, tu comprends, les problèmes de sécurité, qu'est-ce que c'est, une milice privée, nanana, face à l'État, c'est certainement ce qui se passe. Et pour les crypto-monnaies, ça va être exactement la même chose. D'ailleurs, ils parlent d'armer les vigiles, qui ont passage. Oui. Ils vont les remplacer, La question est la suivante à l'heure actuelle. Une fois qu'on fera des crypto-monnaies, après, il y a des problèmes techniques. Qui fait par exemple que le bitcoin aujourd'hui était doublé par un autre bitcoin qui est fait par les mêmes fondateurs, par une partie de ces fondateurs-là, qui s'appelle Bitcoin Cash. Oui, Bitcoin Cash. Oui. Alors, le Bitcoin Cash, c'est comme le bitcoin, sauf que la technologie serait plus élastique et ça évite les problèmes de l'immense blockchain qu'il y a derrière le bitcoin. Mais ou un ou l'autre, ils vont survivre. Et. Si tu veux, il y a d'autres monnaies qui sont très, très importantes, comme l'Ethereum. Ouais. Alors, l'Ether, parce que l'Ether est la monnaie de l'Ethereum. D'accord. C'est pas la même chose. Et, l'Ether est à donc, l'Ethereum. Et c'est une technologie qui marche mieux. Mm-hmm. Et c'est une monnaie qui a été valorisée par 4 ou par 5 cette année. Oui, j'ai vu le cours de son. C'est une technologie. Qui marche, c'est une monnaie qui a une fonction générale comme le bitcoin. Il n'est pas dédié par exemple au covoiturage, à l'échange de voyage ou autre chose, mais elle est générale. C'est comme un grand bitcoin, un bitcoin mon mieux. Bon. Mais, et par exemple, il y a des fermes de minage. C'est-à-dire, alors, le minage, alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà, parce qu'on va expliquer ce que c'est, ça aussi, c'est une partie très importante, le minage. Alors, le minage, alors, ce que j'ai compris, c'est mineur, en faisant référence au mineur, au chercheur d'or, en fait, Minage. Ou alors, c'est celui-là, c'est la mine qui te pète sur les pieds le jour où tout ça, ça. Voilà. Ça, alors, en gros, alors, justement, tiens, je vais expliquer, tu vas me dire comme ça si j'ai compris. Oui. Hein, moi, je suis l'utilisateur lambda. En gros, ce que j'ai compris, le minage, c'est quelqu'un qui est chez lui avec son ordinateur, ses cartes graphiques. Parce que c'est très important, apparemment. Hein. Il faut des ordinateurs, des cartes graphiques. Et puis, j'installe sur mon ordinateur un logiciel qui va tourner une application, qui va tourner toute la journée. Et puis, à la fin de la journée, la nuit aussi, accessoirement, enfin 24 heures sur 24. Ouais. Et puis, à la fin de la journée, donc, ce travail qui a été effectué par mon ordinateur, qui a vérifié les informations de la blockchain, machin, je suis rémunéré d'une partie. Tu as participé à la formation d'un de ces 21 millions de bitcoins. Voilà. Quand c'est le bitcoin. D'accord ? Donc tu as été un mineur. Tu as miné le bitcoin. J'ai miné le bitcoin. Tu as fabriqué de la monnaie. Et pour ça, on me donne. Et pour ça, on te donne une partie de ce que j'ai. Une partie de ce que j'ai. Voilà. Voilà. Ça marche très bien. Il y a maintenant, alors bon, tu as dit, avec ton ordinateur, si tu fais ça, tu gagnes 50 centimes par jour. Hein, ouais, d'accord. Ouais. Et tu as dépensé, je sais pas quoi, en électricité. Donc il y a maintenant des professionnels du minage. Et notamment, je t'avais montré sous le fichier là, que je t'avais montré la première jetée de mon livre. Tu as Hydromineur. Oui. Ce sont donc de jeunes, je crois qu'ils sont ingénieurs allemandes, qui sont installés en Autriche, pour aller vite à côté d'un barrage. À côté d'un barrage pour éviter la distribution qui coûte cher. Et en plus, ils font refroidir le système de cartes graphiques qui avec lesquelles ils fabriquent le bitcoin, c'est-à-dire ils minent le bitcoin, et par l'eau qui donne l'énergie. Il faut savoir que quand ils ont commencé ça, c'est parti très vite leur entreprise. Donc ils ont fait ce qu'on appelle une ICO. D'accord. Oui. Alors, comment on est en France, on l'appelle ICO. On l'appelle pas AICO, même si ça fait un peu beau. Je m'en fiche. Ça s'appelle ICO. Et l'ICO, c'est en fait les fonds qu'on met d'abord, les premiers investissements qu'on met sur une entreprise. Voilà, j'ai compris, comme une start-up un peu. C'est comme une start-up. Il faut donner de l'argent. Alors, il faut savoir que c'est parti très vite, en 26 minutes. En 26 minutes, voilà ce que tu dis. En 26 minutes. Et ils ont soulevé en 26 minutes 500 000 euros. 500 000 euros, voilà, c'est ça. En Ether. C'est-à-dire la monnaie de l'Ethereum. Parce qu'ils font du Bitcoin, mais ils se sont payés en Ether. Parce qu'ils ont sans doute compris que ça n'allait pas durer longtemps. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est... Et beaucoup de choses marchent comme ça, maintenant. Il y a une vraie économie. Il faut comprendre que quand on dit mais tout ça, c'est du vent, c'est du pipeau, etc. et tout. Bon, d'abord, si c'était pipeau, les banques, aussi bien que les États, ils ne seraient pas en train de ils seraient pas en panique comme ça. Oui, clairement. Pas tous, parce qu'après, on va parler, par exemple, de notre ami Black Masters. Black Masters, j'ai noté sur Black Masters. Black Masters, j'ai noté. A quitté la banque pour travailler d'un autre côté de la banque. Tout à fait. C'est-à-dire, alors, ce que je dis là, moi, je suis prêt à en répondre dans quelques années. C'est quelque chose qui va transformer le monde. Parce que, regardez, par exemple, au niveau bancaire, les banques de compensation, ce qu'on appelle les clearing, des choses comme ça, ça marche avec ces systèmes-là. Sauf qu'ils ont beaucoup de travailleurs qui font ce travail. Quand on monte une blockchain bien faite, ou un système équivalent, d'accord, de vérification, exactement pareil. On voit au chômage dans les prochaines années, il y aura des millions de personnes qui travaillent dans le secteur bancaire qui vont être mis à la porte. Ça, c'est inévitable. Parce que Oblique Master, pour citer, elle dit c'est la fin de la banque. La fin du monde bancaire et la révolution dans le monde du travail. Enfin, oui, bon. C'est-à-dire que ça va être. On peut prendre plusieurs exemples. Hein. Mm-hmm. Prends par exemple ça pourrait marcher pour les retraites, par exemple. Tu peux faire une blockchain pour les retraites, tu cotises et puis tu récupères ton argent. Ça marchera avec exactement de la même manière. Et si tu veux, c'est un peu comme quand tu tamponnes un peu l'électricité au niveau d'une grande dimension. Le réseau EDF français, donc le TER, transport d'électricité, il marche comme ça. Tu as des lignes à haute tension, et puis la distribution. Mm-hmm. Mais quand tu as un stock de l'énergie, toi, par exemple parce que tu as des panneaux solaires chez toi, tu les vends à EDF. Tu les vends à EDF le jour. Si personne la veut, d'accord, elle est perdue. Mais c'est le réseau lui-même, d'accord, qui va tamponner la demande et qui va par exemple faire que, au bout d'un moment, ton énergie excédentaire qui existe sur au niveau national fait qu'au bout d'un moment, ça déclenche ça, il dit bah, cette énergie en plus, on l'avance en Espagne par exemple. Donc ça va être tamponné de la même manière. À chaque fois que tu vas allumer ton ordinateur, à chaque fois que des personnes se mettent dessus avec leur wallet, tout ça c'est tenu dans le réseau mondial. La banque, à proprement parler, ça n'existera plus. Le lieu même, ça n'existera plus. Il n'y aura plus besoin. Quoi. Il n'y aura plus besoin. La banque, elle sera là-dessus. Quoi. Elle sera là-dessus. D'accord ? Elle sera là-dessus et avec tout ce que ça implique. Hein. Après, qu'est-ce qu'ils vont devenir les banquiers ? Je ne m'inquiète pas pour eux, parce qu'à mon avis, c'est eux qui vont garder. Mais il faut le comprendre. Ouais. Tu prends par exemple, pour comprendre un peu les vérifications par blockchain et autres technologies, prends par exemple les sites de rencontres. Mm-hmm. D'accord ? Les sites de rencontres, pour l'instant, ils profitent beaucoup aux détenteurs du site lui-même, qui fait pas mal d'argent. Oui. D'accord ? Oui. Mais si je fais une blockchain, d'accord, pour dire, oh, ce garçon-là, il est un peu fou, je ne vous conseille pas, les copines, etc. et tout, ou vice-versa de l'autre côté, ben, la blockchain, elle va marcher comme ça, et au bout d'un moment, ce sera beaucoup plus sécurisé, parce qu'on sait que le type là-bas, il a un poteau qui ne veut pas aller le voir, etc. Et ça va marcher comme ça. Donc tout ça, c'est une économie qui va se faire. Sur, par exemple, tu as Fixo, qui marche exactement de la même manière à l'heure actuelle, et qui fait que tu participes en peer-to-peer, c'est-à-dire de particulier à particulier, à la détention d'un certain nombre de vidéos qui sont chez toi. D'accord ? Un peu comme c'était Napster. Ah, oui. C'était Napster. La façon de YouTube, mais... Voilà. Mais en participative, on va dire. Participative, voilà. Et puisque tu mines, c'est-à-dire tu fabriques la possibilité de t'ouvrir à d'autres, tu as une petite récompense avec laquelle la blockchain, dans ce cas-là, pour aller vite, le système de vérification, va s'occuper même de payer les droits d'auteur de ce que tu diffuses. Donc ça pourrait être pour les voyages, ça marche de la même manière pour les sites de rencontres, de participation, pour en politique par exemple. Prends à l'heure actuelle par exemple les élections. Les partis politiques ne sont plus que des consortiums électoraux. Ils n'ont plus rien à proposer. Ouais, le type là, il est mauvais, il votait pour moi parce que sinon c'est le nazisme ou c'est le communisme, je sais pas quoi. Mais ils n'ont rien à dire, ces gens-là. Bon. Quand tu as au niveau d'un consortium électoral, tu peux très bien au bout d'un moment décider de faire un peu, si c'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles, et tu le fais avec une blockchain, et tu le fais avec. Et même tu peux dire, on va valoriser à chaque fois à 1 euro ou à une fraction de bitcoin chaque nouveau participant. Et tu peux monter un parti énorme quand tu pourras. Parti énorme. Tu pourras monter une liste électorale énorme. Dans les temps qui viennent par rapport à un vote quelconque ou à un référendum quelconque. Et il n'y aura plus besoin pour le financement, ça pourrait être énorme aussi. Là, c'est pour le coup. C'est fini. Ouais. C'est fini. Par contre, c'est... Sauf que là, si tu fais ça au niveau des élections, il y a bout d'un moment, tu as le président public qui va venir chercher chez toi. Voilà, qui t'a donné l'argent, ouais. Sortez les factures, machin. Ouais. Mais par contre, bon, le serveur peut se trouver en Hollande, et puis comme Pygmalion, à Bruxelles, le candidat était tranquille. Ouais, d'accord. Ouais. Était tranquille. Extraordinaire. Donc ça veut dire vraiment là parce qu'on est face à ce que tu es en train de nous expliquer, parce que ça c'est des changements majeurs. Ça mais c'est dire des changements énormes. En gros, des entreprises qui vont s'effondrer, des pans entiers de l'économie qui vont pas survivre. Ah enfin, mais Blackmaster dit. C'est un peu ce qu'elle dit. Elle dit ça. Ouais. Lagardère a fait une intervention en Suisse, je crois que c'était à Davos. si je me trompe, Davos, ça s'est passé. C'était là, là. Oui, voilà. Il y a, elle a fait une intervention en disant, c'est fini. Où on suit, on disparaît. Le problème, c'est qu'ils savent pas comment disparaître, comme suivre. Et t'as une autre chose. Bon, on a tous des amis qui ont fait de différentes carrières. Moi, j'ai parlé avec des connaissances qui travaillent à Bercy. Ils me disaient le vrai problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que chez les décideurs, donc les gens qui ont fait les grandes écoles, etc. et tout, ils n'y comprennent rien. Il y a des types qui sont capables de te monter techniquement, bon polytechnicien, premier lieu. Ils ne comprennent pas ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais compris ce que c'était l'argent. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre l'argent et la devise. Et surtout, ce qu'il y a dans l'argent. L'argent, c'est une promesse ou le futur. Et ces choses-là, à l'heure actuelle, tu le fais de manière fiduciaire. Au niveau du peuple français, à ton avis, les gens qui ont peu d'argent comme moi et toi, disons qui survivent un peu, ils vont faire plus confiance à la masse des gens qui vont au bout d'un moment vont créer une crypto-monnaie entre eux ou à l'État. Oh, mais c'est évident. C'est-à-dire l'État avec tout ce qui s'empoche, les affaires tous les jours, la méfiance qu'il y a par rapport aux politiques, etc. Et tout. Donc ce sont des choses qui ont une dimension véritablement, j'utilise le mot, c'est un cataclysme. Alors, bien évidemment, tu as aussi une utilisation qui peut être une utilisation de type militaire. Tu peux une fois que tu as on en a déjà parlé, il y a une conférence qui s'est tenue en Suisse là-dessus. Ouais. Tu as imagine qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui basculent vers les monnaies crypto-monnaies. Ouais. D'accord. Si moi j'arrive à intervenir pas par un piratage, mais je peux en m'insérant dans l'économie d'un pays, parce que ces choses-là se vendent et s'achètent, je peux tenir un pays. Je peux mieux qu'une grève mettre un pays à terre comme ça. D'accord. C'est l'argent. Ouais. C'est de l'argent. Donc, les enjeux à l'heure actuelle, nos politiques, ils ne sont pas à leur hauteur, pas parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ouais. Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Et moi, quand je dis ça, il me semble absurde. J'ai un QI moyen. Et puis j'ai compris qu'ils n'ont pas compris. J'ai compris qu'ils n'ont pas compris et que de ce côté-là, il y a une. Après, bon, il y a des caricatures. T'as Marine Le Pen qui a pris la parole pour dire qu'elle était contre les crypto-monnaies parce que la monnaie était nassasse et tout. Mais où elle vit? Où elle vit? Et elle pense en plus de manière autoritaire pouvoir l'interdire. Ça n'existera pas. Non, mais elle comprend rien, la mienne, on la comprend. Non, vraiment. mais elle n'est pas la seule. Hein. Non, elle n'est pas la seule parce que j'ai vu que le gouvernement, il avait quand même annoncé qu'il y avait une mission ministérielle sur les crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies. Et qu'ils avaient décidé, par exemple, de faire partie de la recherche de 3 000 milliards d'euros. Ils voulaient les faire basculer là-dessus. Enfin, ils se posent la question. Mais si tu fais ça? D'accord. Mais plus personne va te payer des impôts. et si tu veux, la chose qui est. Si on arrive à mettre notre petit virus ce soir pour faire comprendre aux gens le principe, pas de la blockchain, des crypto-monnaies, mais de l'importance de la question, pour moi, sauf que tu as parlé de la Francis, moi j'ai travaillé pendant 20 ans sur des fronts de guerre. Et d'ailleurs, si tu me permets, je voudrais porter mon hommage à Béatrice Pignel. Bien sûr. Qui était ma femme, qui nous a quittés il y a 3 ans. Et je veux dire, c'était un moment très, très intense de ce qui s'est passé. Hein. C'était, voilà. Bon, là maintenant, on peut souffler. Pour une fois, on va dire qu'on a gagné la guerre. Hein. Bon, je dis ça pour rigoler parce que bon, on n'est pas plus avec les Russes qu'avec les autres. Mais disons, l'impérialisme est en train de faire. Il y a un coup d'arrêt, ou plutôt un changement. Des stratégies impérialistes, mais sur cette question-là, moi j'engage déjà toutes mes forces parce que c'est pour moi la question la plus importante qui est. Hein. Avec l'argent, on peut tout faire en monde capitaliste, et cet argent-là, ils sont en train de le perdre. C'est-à-dire là, il y a vraiment un espèce de nouveau monde qui est en train de s'ouvrir en fait. Mais complètement, sur tous les domaines. Je reviens sur le cas du covoiturage. Pour l'instant, quand je vais sous Babacar, je les paye. Oui, voilà. Je donne ma carte bleue. Et, ouais, voilà. Et ça se passe comme ça. Alors, maintenant, je revends la même chose. D'accord. Et je fais ça avec BlaBlaCoin. D'accord. J'invente un BlaBlaCoin. Mm-hmm. Je m'inscris dessus. Je dis, voilà, ça c'est mon modèle de voiture. Je descends une fois à Bordeaux, une fois tous les mois. Ça va être tout. Donc, un simple compte de truc de voiturage. Je fais payer ça avec mes BlaBlaCoin. D'accord. C'est fini. Je veux dire, il n'y a plus possibilité de te capter, de te soustraire, de t'estorquer de l'argent. C'est fini. C'est du particulier au particulier. Mais ce qui veut dire, pour que je comprenne bien, les gens qui vont aller se connecter sur ton site, oui, pour pouvoir avoir les BlaBlaCoin, mmh, ils vont devoir quand même avoir des euros. On est d'accord. Ou des bitcoins, ou de l'Ethereum. Ah. Ouais, eh ben oui, ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Oui. Ça peut être des euros, mais il n'y a aucune... Ça a une valeur. Il y a une économie derrière, l'économie du minage. Mmh. Ce sont des millions de kilowattheures qui sont consommés par an. Ça existe, ce n'est pas du vent. D'ailleurs, il y a des gens qui commencent à parler de la catastrophe écologique qui va survenir avec les crypto-monnaies. Je voudrais qu'on m'explique concrètement en faisant vraiment des life cycle cost, c'est-à-dire des cycles de vie de toute la filière énergétique de Bitcoin ou des crypto-monnaies, si c'est vraiment quelque chose qui est plus polluant et plus qui dépense plus d'énergie que le fait de faire une monnaie, d'avoir à la garantir de manière étatique, de pouvoir la vérifier, de pouvoir l'imprimer sur des billets de banque. Est-ce que c'est vraiment de devoir faire quelques porte-avions et quelques avions aussi, parce que pour l'instant il faut bombarder les voisins, il faut faire comprendre que ta monnaie elle est vraiment très bonne. Est-ce que ça va coûter plus? Est-ce que du point de vue économique et écologique ça va être? Non. Au contraire, et tous ceux qui ont des projets, je parle par exemple, tu vois, j'ai vu ton émission hein, que tu avais fait avec un rappeur là. Ah oui. Quand je vois un type comme ça, par exemple, lui, il a une petite économie parce que je pense qu'il fait Non, il n'a pas créé ça. Quand on m'accuse pas de vouloir inciter les gens aux défraudes, mais qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi tu continues de te faire payer en euros? Si encore le bitcoin était là, thésaurisé, tu ne peux rien en faire. Je veux dire, viens avec moi au Péra, il y a deux bars là-bas, je veux dire, on s'empiffre et on picole toute la nuit, on paye. Ben. On paye en bitcoin et personne ne le sait. C'est une réalité, aujourd'hui ça se passe, c'est pas dans 10 ans, tu verras. Non, c'est là, maintenant. Tu as au Japon des milliers, des dizaines de milliers d'enseignes, Galerie Lafayette et compagnie, dans lesquelles tu payes en bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il y a des pays, bah voilà, justement, le Japon, tu le cites comme un pays qui est extrêmement en avance sur ça. Ils ont compris en fait cette révolution. Parce que apparemment, tu dis que même l'État japonais, il accompagne le mouvement, il encadre. Non, parce que l'État japonais est en faillite. Elle est en faillite séculaire. Oui, on connaît la dette du Japon qui. Il pourra pas s'en sortir. Et donc, ils sont en train de préparer. Ça, ce sont des hypothèses, mais je voudrais qu'on me montre qu'ils ne sont pas valables. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, l'État japonais? Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à coup sûr. D'accord, vers la catastrophe, parce qu'un jour ce serait non solvable, où je m'invente de l'argent, et le jour où ma monnaie, moi, le yen, ça sera foutu, je dirai, mais allez les gars, vous inquiétez pas, on continue comme ça. C'est tout. Alors que la Chine, elle a une réaction inverse, elle est plutôt de dire, non, on va Chine, tout arrêter, tout contrôler. Qui dans l'État chinois, hein, qui dans l'État chinois, et comme ils vont, et même eux, tu vois, moi je me suis penché une petite parenthèse sur l'État chinois parce que j'ai regardé l'Association donc c'est des grandes entreprises syndicats de publicistes des gens qui font la publicité au niveau mondial. Ils pèsent 1000 milliards de dollars hein. C'est énorme la publicité hein. Et d'ailleurs, un des secteurs les plus dangereux au monde, ce n'est pas du tout la drogue, la prostitution, les armes, etc. et tout, c'est la publicité. Hein. Mm-hmm. Quand tu es un jour nommé par un État, d'accord, responsable de chaîne privée de ton État, d'accord, et tu te trouves au poste de faire payer de ceux-là qui s'occupent de publicité, des tarifs publicitaires, sache qu'il s'est augmenté trop fort les tarifs. en disant, mais merde, les satellites, c'est à moi, la chaîne est à moi, les employés sont à moi, je fais moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il te va t'arriver un problème. On en a déjà un cas énorme en Italie, les types se font buter. Ministre par ministre, ils se font buter. Ce sont des enjeux énormes. La Chine, pourquoi je parlais de ça, elle a, tu sais, quand la nouvelle Discovery, quand on a vu qu'on avait pris le satellite qui était en... Ils ont vendu ça aux Chinois après. Et en fait, ils émettent partout en Chine, avec ce satellite-là, les chaînes étrangères que tu peux capter, même si la Chine est fermée, dans les grands hôtels. Oui. Bon. La Chine, elle est capable, quand elle veut, avec ce système-là, de pouvoir un contrôle complet sur sa crypto-monnaie d'État, par exemple. Si elle veut. Sans passer par le réseau mondial. En sachant qu'en même temps, elle est en train de mettre en place un système de... une constellation de satellites tout autour de la Terre qui lui permet d'avoir un système GPS à elle, comme nous, on aura un jour Galiléo. Oui. Donc, ce sont des choses qui sont très réelles, ce qui se passe. C'est vraiment l'économie maintenant. Et tout le reste, les déclarations de Bill Gates, qui lui trouve sa tête raison, mais n'y va pas, ou de Warren, qui lui... Tout ça, c'est un spectacle. Oui. Parce que les gens, ils y sont dedans, parce qu'ils c'est porté. Mais il y a un chiffre quand même qui m'a étonné, c'est que tu dis que c'est 2% des... Voilà. C'est 2% des gens qui possèdent quasiment l'essentiel. Alors, pour le Bitcoin, il y a 2% des créateurs, qui sont accaparés les bitcoins qui existent maintenant, parce qu'on n'a pas saturé encore les 21 millions, d'accord ? Pour les autres, c'est une petite curiosité. Et quand on a des fluctuations très fortes qu'il y a dans le bitcoin, c'est pas parce que les gens perdent confiance dans le bitcoin, c'est tout simplement parce qu'il y a un retour d'investissement, les gens captent leur bénéfice. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, tu as systématiquement une crise de bitcoin qui arrive avant et après les fêtes, les grandes fêtes. Les gens, ils empochent leur et puis ils vont au yacht, au Bahamas. Donc, ils empochent leur argent. Et puis, ça remonte. Parce que pour n'importe quelle personne de son cerf, à l'heure actuelle, il vaut mieux investir en bitcoin qu'en dollars. Oui. Si on est plus malin... D'ailleurs, excuse-moi, mais quand tu regardes ce qui s'est passé là, il y a depuis deux semaines, elle a perdu combien le dollar par rapport à l'euro ? T'as vu, on n'est jamais été aussi... Quand tu regardes le bitcoin, d'accord, sur les 15 jours, il a été plus stable. Donc tu vois, c'est ça qui est véritablement fou c'est vraiment un message à faire passer à l'heure actuelle, hein, et que les gens ne se perdent pas dans des détails techniques. C'est la question avec la guerre, bien évidemment. C'est aujourd'hui la question la plus importante qu'il y ait. Ça veut dire que moi je peux imaginer demain, je suis un grand chef d'entreprise, une entreprise de dimension internationale. Je décide de payer mes employés qu'une crypto-monnaie. C'est possible ? Ça dépendra de la législation du pays. Parce que c'était Je pense ça, je ferai un gros pays. Mais ça dépendra de la législation du pays. Puis c'était une grande multinationale, t'as une partie de ton capital qui est dans une banque, tu es sans doute actionnaire de cette banque et t'as pas envie de la faire faillite non plus. Oui, tu vois, donc tout ça, ça va s'ajuster petit à petit. Mais là maintenant, les banquiers, ils sont tous sur les crypto-monnaies. D'accord ? Parce que bien évidemment, le Bitcoin suisse, comme par hasard c'est la Suisse, ça va savoir pourquoi. Oui. Ils ont fait des choses un peu particulières là-bas. Il sera accessible qu'aux Suisses apparemment, qu'aux nationalités suisses. Que les gens qui sont des nationalités suisses. Mais ça va se faire déjà une fois qu'ils sont. C'est facile de trouver un prêt. Non, il y a des entreprises qui vont faire que ça. Ouais. Et donc, ça va se faire. Ça va se faire. Et ça se fait déjà. Ça se fait déjà, c'est pas une question. Ça va se faire déjà. Donc, après, il y a une question qui a à voir véritablement avec des changements qualitatifs dans l'économie. Imagine, par exemple, il y a eu le IPESOS, donc qui était fait par le Venezuela, pour pouvoir faire en sorte de vendre son pétrole en crypto-monnaie. Oui. La crypto-monnaie des IPESOS, d'accord, il est indexé sur le pétrole vénézuélien, mais aussi sur de l'or et sur des diamants. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment un ancrage direct avec le réel. Parce que là clairement, je veux dire, quand ils annoncent ça et qu'ils l'indexent sur l'or et l'or et le diamant et le pétrole, aucune différence avec monnaie indexée sur l'or, en fait. Non seulement il n'y a pas de différence, mais une fois que tu achètes du dollar, quand tu achètes des actions, d'accord, Franchement, ces actions, par exemple, tu achètes une nouvelle technologie. C'est basé sur le fait qu'il y a des gens au Nasdaq qui vendent des cartes graphiques, qui vendent des choses comme ça. Voilà. C'est une économie réelle. Mais quand tu voudras avoir de l'argent, de la vraie argent pour le thésauriser, c'est-à-dire pour l'avoir en épargne, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre une monnaie comme le dollar, ou tu vas dire je vais investir sur une monnaie qui est une crypto-monnaie qui est très élastique et je peux faire, avec un clic de souris, je peux faire déplacer sans payer d'impôts. Et en plus, si jamais il arrive quelque chose, au moins je pourrais récupérer l'équivalent de diamant à or qu'il y a derrière. C'est sacré, hein? Tu comprends? Ça, ça se fait pas comme ça, parce qu'il y a des protocoles après bancaires qui font que... Mais l'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est celle-là, ouais. Tu comprends? Donc, on est... Et vraiment, ce que je voudrais qu'on... Bon, je pense que tu vas me renvoyer une fois que j'ai... J'aurais sorti à mettre le mot fin sur mon sur ton livre. Ouais. C'est ça que je veux faire comprendre, c'est... à mon avis, hein. J'ai beaucoup suivi depuis l'Irak, donc toutes les aventures de néoconservatrices, on va les appeler dans l'impérialisme américain moribond. Pour moi, c'est à l'heure actuelle la question la plus importante qui est en politique, et en politique même internationale. Hein, on devait parler ça tous les jours. Tous les jours, ouais. Voilà, ouais, on devait parler ça tous les jours. On devait se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Et ça veut dire que, est-ce que c'est intéressant quand même pour le citoyen de se lancer dans justement le minage même ou à son échelle, ouais. Parce qu'on m'explique. Là, j'ai entendu. Je regardais un reportage sur Russia Today. Il y a apparemment des vieilles microprocesseurs de l'ère soviétique qui ne savaient pas vraiment à quoi ça servait, etc. et tout, qui vont être utilisés maintenant pour le minage, et ce sont quand même des boîtes à minage qui vont te faire pour un équivalent de 4000 euros par mois. Par jour. 4000 euros par jour. Alors, je ne sais pas combien ils vont te vendre cette machine, parce qu'ils vont te la vendre très cher. Je ne sais pas s'ils vont la vendre, mais la réalité, elle est là. Ça existe. D'accord. Et si tu veux, toi, avec des cartes graphiques, je ne me rappelle plus le sigle, je crois que c'est la XP. Ouais. Parce que les cartes graphiques, paraît qu'il y a des ruptures de stock. Mais c'est à cause de ça. Le chinois qui fait des cartes graphiques, là, comment il s'appelle, a été porté par Bitcoin cette année-là. Il a eu une rupture de stock systématiquement. Il a des commandes et il a arrêté les commandes. Il dit non, mais j'ai même plus la place pour le carnet. C'est fini. Tout le monde. Oui, parce que il paraît que les cartes graphiques, le prix aussi a explosé à cause de ça. Ouais. Qu'elles sont en rupture. On me disait que les cartes graphiques, on n'en trouve plus, que les prix ont explosé parce que justement il y a une demande, mais exponentielle. Tu fais avec de l'argent. Ouais. Tu fais avec de l'argent avec et tu peux le rapatrier. Bon, après, si tu veux, quand tu as un wallet par rapport là où tu as inscrit ta transition, tu vas payer beaucoup ou pas du tout de frais. Si tu ne payes pas du tout autant, il faudra que tu attendes des jours, hein, et même des mois. D'accord. Voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe comme ça. Donc c'est et la chose qui est très étonnante, c'est, alors que j'ai vu plusieurs reportages à la télévision, j'ai vu plusieurs articles là-dessus sur le Figaro et tout ça, et je me suis rendu compte que malgré tout, c'est une curiosité, parce que ça fait moderne de parler de l'argent qui vit sur Internet, du Bitcoin, etc. et tout, mais qui même au niveau de rédaction, ils n'ont pas compris l'importance de ces choses-là. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Peu de gens comprennent ce qui est en train de se passer. Il y en a qui avaient compris. Moi, j'avais un ami qui m'avait dit, c'était déjà il y a quelques années, achète des bitcoins. Hein? Et j'ai pas écouté. Hein? Mais parce que j'y comprenais rien à ce qu'il me racontait. Il va te raconter l'histoire tout à l'heure. T'as un ami à nous, d'accord. Il a 10 000 bitcoins. Il a 10 000 bitcoins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent. Ouais, il a dit, bon, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à les rapatrier. Ça, c'est un autre problème. D'accord. Il a 10 000 bitcoins. Rapatrier, c'est-à-dire que. Mais il n'arrive pas à les récupérer. Il n'arrive pas vraiment à les récupérer. Enfin, non, je ne sais pas s'il dit vrai ou pas. Ça, c'est un autre problème. Mais tu vois, c'est la réalité. C'est-à-dire, ce sont des mais il ne faut pas non plus avoir un rapport au niveau spéculatif. Tu as maintenant des économies qui peuvent être faites tout de suite à partir de ça, sur des cas concrets. Tu vois, j'ai donné le covoiturage, mais je peux faire autre chose. les cours de mathématiques pour les collégiens dans un quartier entre il y a papa qui est ingénieur, maman qui est médecin, je ne sais pas quoi, et on fait un tac. Par contre, vous comprenez, qu'est-ce qu'on fait? On paye vos locaux? Non, on ne paye pas. Allez, entre nous, on a une monnaie et c'est fini. On pourrait imaginer, alors, les fameuses monnaies locales qu'on avait vu apparaître suite à l'euro, tout ça va disparaître au profit des crypto-monnaies, quoi. Ce serait ça. Oui, tout à fait. Parce que c'était un peu, presque une... Mais il est très important de comprendre que c'est en train de se passer maintenant. Maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir. Ça se passe maintenant. Sauf que vous ne le savez pas. Alors, je vais prendre des questions parce qu'il y en a plein, t'imagines bien, parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors, oui. On est suivi par combien de personnes en direct? Je peux pas te le dire, là, j'ai pas le chiffre. Là, en plus, je suis plus connecté sur le chat. Mmh. Et donc, le chat Discord, si vous voulez poser des questions, vous allez sur le Discord, la caserne de Tepa. Vous avez les liens, de toute façon, dans les descriptions. Et puis après, vous avez le statut Troufion au départ. Et puis, vous pouvez poser des questions. Et pour passer du vocal, il faut passer un entretien. Alors, je vais prendre une question. On me dit, bonsoir, monsieur Condémy. D'après la cofondatrice de Kaspersky Labs et présidente du groupe InfoWatch, Natalia Kasperskaya, le Bitcoin aurait été créé par les services de renseignement américains pour financer rapidement leurs opérations à travers le monde. Oui, il y a cette hypothèse-là, c'est possible, mais je veux dire, elles ne sont pas plus connes que les autres. Je suis à la CIA, d'accord ? J'achète au cartel de Medellin de la cocaïne avec laquelle je vais vendre des armes au Contras pour les vendre aux Iraniens qui veulent faire passer dans le côté. Bon, ça s'appelle quelque chose qui a vraiment existé, ça s'appelle l'Iringuette. D'accord ? Bon, je veux faire tout ça. Je ne veux pas laisser de traces, d'accord ? Je dis à mes agents, d'accord ? Voici les dollars que vous avez dans vos poches pour acheter vos bonbons, vos restaurants, etc. Et tout. Par contre, toutes les transactions que vous faites en cocaïne, machin, truc bidule, hein, vous les faites maintenant en bitcoin. Ça a pu commencer comme ça. Je dis, moi, je n'ai pas la preuve de ça, mais ça a pu commencer comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait plausible. Mais là, ce qui est certain... C'est qui est certain qu'il n'y a pas de projet préalable d'une multicomplicité qui fait qu'il y a une attaque à l'argent, c'est arrêté tout. Ça n'existe pas. Alors, finalement, ils peuvent très bien avoir créé un monstre et qu'ils ne le maîtrisent plus, c'est ça en gros, c'est un peu mais ça. Comme c'est toujours comme le cas. Comme à chaque fois le cas, c'est souvent le cas. C'est toujours le cas. Rends-toi compte d'une chose. Imaginons que. Alors, il va y avoir des conséquences à ça. Hein. Il va y avoir des conséquences qui sont. Paradoxalement, les crypto-monnaies vont instaurer un comportement identitaire et sur les questions d'échange. C'est exactement comme Google, enfin comme les GAFA. Ouais. Ils te choisissent des préférences pour. Tu vois, ils te proposent des. Ils te font des propositions une fois que tu as vu tes vidéos, regarde ceci, ça, etc. Il va y avoir la même chose qui va se passer au niveau communautaire. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et je pense qu'on va vers un monde dans lequel les personnes vont se regrouper par projet. D'accord ? Après, il y a déjà des banques au projet. Et c'est le banqueur. Le banqueur qui est... Ah oui, le banqueur, ouais, d'accord. Alors, et donc, encore en Suisse, bien et là, tu as non seulement des monnaies qui sont mises en concurrence entre elles, mais au niveau des projets, quand je fais l'ICO, d'accord, je les mets tout de suite en concurrence. Et au bout d'un moment, mes vieilles fringues vont valoir certains nombres de tokens par rapport au cours de mathématiques de la voisine et du voyage promis pour l'été et au week-end de l'autre voisine. Je peux les mettre vraiment sous une vraie banque. C'est un vrai marché qui existe. Et ça existe aujourd'hui. Hein, le bancaire, il existe aujourd'hui. Et ça capitalise et c'est fort. Hein. C'est ça, là, on parle de budgets énormes, de plusieurs centaines de millions. Hein? Donc ça existe déjà, hein? Sauf qu'on le sait pas. Si tu veux, le web il a donné la possibilité à chacun de devenir diffuseur, d'accord, d'y diffuser ses propres vidéos, ses propres tests. Oui, bien sûr. Le web 2, on nous a mis tous sur le réseau social. Les réseaux sociaux. Le web 3 qui existe maintenant, d'accord, va faire de nous, hein, une communauté, tu sais, c'est comme le complètement autonome, en fait. On passe, oui, le 1.3, c'est presque l'état suprême du réseau social où on crée l'économie réelle pour nous. Et on s'en embrasse. Voilà. Et alors, et ça, c'est un appel que je veux faire aussi à comprendre, parce qu'on... J'ai quand même, comme on dit, des restes, certains diront des bons de restes dans mon passé, d'âme de gauche. Je sais pas ce que je veux dire, parce que vu ce qui se passe en ce moment, comme ami, j'étais de gauche. Ah non, moi j'ai jamais été de gauche, j'ai honte. Bon, bah, ça, c'est un autre discours. Mais ça revient à pouvoir exercer pratiquement des économies dans lesquelles, si on veut, pas complètement, mais si on veut, on peut s'affranchir de beaucoup. Avec toutes les problèmes, toutes les problématiques qu'on voit pas, mais qui existent vraiment. Parce que, alors moi je viens d'une région d'Europe dans laquelle il y a une des mafias les plus puissantes, ça s'appelle la Drangheta, c'est la Calabre. Ah, la Calabre, alors, oui. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la Drangheta a beaucoup d'hommes de main? Pourquoi? Bon, les mafias, ce sont des organisations criminelles sous plusieurs générations. Donc, c'est une histoire de famille derrière. Mais il n'y a pas que les quelques familles calabraises qui font marcher toute la Drangheta au niveau planétaire, parce qu'ils sont partout. D'accord? Il y a des hommes de main que tu payes. D'accord? Ah, et une des choses qui va se passer avec les crypto-monnaies, c'est que tous les hommes de main que tu as, c'est eux-mêmes qui peuvent être autonomes. Pourquoi tu veux qu'ils travaillent pour toi? Ça va devenir quelque chose qui va changer les rapports sociaux. Ou non seulement va changer les rapports sociaux, bon, ça c'est le côté optimiste. Ça va être. Pourquoi tu veux. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'il y a des personnes, je me rappelle de. Tu sais, quand on a vu le Fillon là, dans son château, là, il avait des jardiniers, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il a des jardiniers et des hommes, des femmes de ménage, etc. Pourquoi? Je sais pas, il a des terres, il a beaucoup d'argent. Il a de l'argent. Il a beaucoup d'argent. Et il y a des travailleurs qui viennent là-bas parce qu'ils ont besoin de travailler. Oui, bien sûr, oui. S'ils n'ont plus besoin de leur argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu comprends un peu là? On arrive à des problématiques énormes. Oui, donc là, carrément, c'est des bouleversements sociaux. Là, on c'est est des bouleversements énormes. Sociaux énormes. C'est-à-dire, alors je ne veux pas m'enthousiasmer comme ça, je sais, tout, je sais très bien que vous. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir une communautarisation qui va arriver avec les crypto-monnaies. Qui peut être très bien parce que moi, je n'ai pas envie de partager mon monde avec des gens avec lesquels je ne partage pas les valeurs. Je peux vivre par moi. D'accord. Et en plus, il va y avoir aussi des choses que je pense on n'imagine pas pour l'instant, mais que finalement, celui-là qui va faire la différence dans tout ce sujet, ça va être la force brute. Je pense que les crypto-monnaies vont amener quelque part. Tu sais, il y a des paraboles, par exemple. Tu sais, t'imagines, par exemple, au Sparte, la sérissime République de Venise. Tu as des choses qui sont étonnantes. Sparte, par exemple, était une armée état, d'accord. Et je me rappelle plus comment il s'appelle, Lysiur, non, je crois que c'était l'administrateur. Un jour, à un moment donné, il y avait ce chef qu'ils avaient, les Spartiates. Il avait plombé l'argent, c'est-à-dire il avait fait en sorte que les gens devait se balader avec de l'argent qui était très lourd parce qu'en fait il avait plombé l'argent, il avait mis de l'argent, du plomb en plus de l'argent pour que ça soit trop difficile, tu vois. Il voulait abolir l'argent. Bon, ça c'est ça donne une philosophie. T'as le marchand de Venise à Venise, d'accord, de Shakespeare, dans laquelle t'as la parabole qui est très forte, d'accord. Je te prête de l'argent et tu me garantis avec un livre de chair de ta poitrine. C'est pour, enfin, c'est la métaphore, elle est très forte. Avec les crypto-monnaies, on va arriver dans un monde où, si je veux vivre sans tutelle, je pourrai vivre sans tutelle. La seule chose qui me manquera, et c'est pour ça qu'on va arriver à des situations à terme, peut-être dans un siècle, qui vont être très, très rigolotes, ça va être la force brute. C'est ça qui va tout régler. Hein? Mais entre moi, que j'ai quelques amis et une famille, avec tous les problèmes familiaux qui peuvent... Et a fait des études élevées, etc. Et tout, nanana. Bon. Et un Malien de Mali, qui est analphabète, et qui a une famille de 160 membres, dont les enfants connaissent le nom et le prénom de l'arrière-arrière-grand-père, parce qu'il y a ça qui existe en Afrique. à ton avis, qui va s'en sortir le mieux dans le système communautaire? On va arriver à une situation très ubuesque, hein, très étonnante. Et c'est pour maintenant, on y est dedans. On est dedans. Mais sans qu'on essaie, c'est comme quand t'as réussi une pierre, mais hop, t'es secoué, mais tu sais pas d'où elle arrive. Mais elle est partie, tu vois. Allez, j'en prends un autre. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, bonsoir. Que pensez-vous du Bitcoin lorsqu'il se permet des trafics en tout genre, armes, drogues, pédopornographie, blanchiment, fraude fiscale, etc. Hormis faire des placements à court terme, quel est l'intérêt de cette monnaie qui est aussi faible que du papier toilette? Quel euro? Non, mais là, il a répondu un, d'accord. Donc, c'est la fraude. C'est la fraude. Oui, tu l'as expliqué en déjà. C'est la spéculation. La spéculation. Ouais. Après, si tu veux, tu as une autre troisième utilisation, c'est de t'affranchir. D'accord, des contrats qui existent au niveau des échanges et donc de pouvoir vivre mieux. D'ailleurs, il y a plus de biens matériels. D'ailleurs, il y en a donc qui spécialisent donc dans le minage et d'autres qui spécialisent dans la spéculation, c'est-à-dire qu'ils vendent, ils achètent les monnaies tout le temps, tous les jours. Au sens économique du terme. Au sens économique, oui, comme dans une bourse, on va dire, ouais. mais qui s'en sont fait spécialistes dans les crypto-monnaies. D'accord. Alors, on me dit. Bonsoir. La blockchain n'est-elle pas l'amorce d'un boom technologique? Il y en aura de plus en plus, on devra en stocker le moins pour en dépenser énergétique. Les crypto-monnaies ne vont-elles pas forcer les États à retrouver leur souveraineté? Et ils devront aussi nous taxer pour rendre la justice, ils demandent. Pour moi, toute question de rapport de France politique, il ferait mieux d'inviter, réinviter Alain Benajal pour te reparler. moi, je pense que la chose qui va se passer, c'est que les choses vont se doubler des changements dans la société. Ouais. Et voilà, on ne peut pas savoir dans quelle direction ça va partir. Parce que quand tu spécules sur les crypto-monnaies, et au bout d'un moment, il faut le faire revenir dans l'économie réelle. Ouais, d'accord. Quand tu intègres de l'argent, tu l'intègres en euros, en francs suisses, en quelque chose. Donc au bout d'un moment, c'est fini. Hein. Mais si tu veux rester en shadow, c'est-à-dire que tu veux rester dans l'ombre, tu peux rester dans l'ombre. Tu vois, avec mes amis du Larzac, on s'est dit, tu vois, c'est les gendarmes et le trésor public qui nous refait le même coup, on devrait faire ça, tu vois. On monte une fondation, ouais. On achète tous nos machines, nos propriétés foncières, c'est-à-dire tout le monde à la fondation qu'on met en Suisse, d'accord. Et quand les types ils viennent, d'accord, ils disent, vous les utilisez, oui, on a un contrat qui nous permet de l'utiliser parce qu'on nous offre, tu as oui, ça existe, d'accord. Ah, vous saisissez, mais vous ne pouvez pas y saisir, c'est pas à nous. D'accord. Et vous vivez comme moi, j'ai pas un rond. Si tu veux me mettre, je n'ai pas un rond. Parce qu'en plus, je n'ai pas une thune. Pas un rond. D'accord. Tu veux, c'est pas que je suis pas solvable, je n'ai pas une thune, pas un centime dans les poches. Oui, parce que si j'ai mes crédits, voilà, moi par exemple, imaginons là, j'ai mes Ethereum, ils peuvent venir chez moi. J'ai rien, je ne savais pas. Ah bah, ouais, et même s'ils vont sur mon ordi, il n'y a rien. Tant qu'ils n'ont pas la série d'accorder tes codes privés qui te permettent d'intérêt dedans, ils ne peuvent. Et même s'ils l'ont, c'est pas marqué. C'est pas marqué que ça à moi, voilà, ouais, on sait pas à qui ça. Ça existe, c'est l'anonymat dans l'anonymat. Ah bien sûr, quand tu fais tes transferts pour les faire arriver sur ton compte en banque en euros, tu perds ton Ah, là, je me découvre. D'accord. Mais il y a des. Il y a des ruses. Il y a des ruses. Mais là, je pense pas qu'on tombe dans le coup de la loi. Alors, on me dit, selon les derniers chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, la crypto-monnaie Bitcoin consomme plus d'électricité que 159 États dans le monde. Qu'en pensez-vous? Car la production électrique ne risque pas à un moment de devenir problématique. C'était ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est clair que. Ça veut dire quoi? Mais il y a une économie. Il y a une économie par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Oui, un jour, on va avoir des par exemple, les Russes, ils ont des défis. Le Canada, ce sera la même chose. Ils ont des surplus d'électricité. Okay. L'électricité, ils ne stockent pas. Qu'est-ce qu'il a décidé l'État russe? Qu'ils vont fabriquer par 100 millions de crypto. Ils ont un surplus équivalent à 100 millions de dollars d'électricité. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la crypto. D'accord. Ça sert à rien de prendre ton fil de tension et de le mettre à terre à la masse. Tant qu'à faire, tu le mets dans une mine pour faire du minage crypto-monnaie et tu gagnes de l'argent. Et est-ce qu'il y aura la possibilité qu'un jour, même un pays européen qui soit pris dans la dette, il fasse comme le Venezuela, il crée une crypto-monnaie pour s'en sortir. Écoute, moi je vais dire une chose. Et alors, ce n'est pas que bon, c'est mon histoire personnelle. Moi, je suis d'origine, je suis italien. Oui. Je pense que l'Italie, qui sont toujours très à l'avance sur ces choses-là, va nous donner une leçon. Va nous donner une leçon parce que je pense que d'une part, ce n'est pas un mystère que c'est le Bitcoin, c'est la monnaie de la mafia. Hein. Je me rappelle, mais c'est les Bulgares qui avaient chopé le wallet d'un trafiquant, de deux trafiquants serbes il y a 2 ans. Ouais. Et le Bitcoin a tellement explosé, et puis le douanier s'est dit tiens, mais il y avait ça sur le wallet de l'autre serbe là, et maintenant ils se trouvent en Bitcoin à pouvoir payer un cinquième de leur dette. Ils en ont pour des milliards. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'ils avaient saisi en fait. D'accord. Alors, pour revenir à l'Italie, il va y avoir les grandes convulsions en Italie avec les prochaines élections. Ah oui, oui. Les échos que j'ai de mes amis qui sont au Mouvement 5 étoiles, CB, Picolo, tout ça, j'ai des amis partout. Hein. Et parce que ça va être compliqué l'Italie à gérer, parce que la collusion entre un mafieux comme Berlusconi. Des identitaires mi-nazis comme les Lombards, plus l'ultra-gauche de Beppe Grillo. De Beppe Grillo. Donc, je ne sais pas, mais les Italiens s'arrangent toujours, hein, mais ils vont cohabiter là-dessus. Et je pense qu'une des choses qu'ils vont faire, les Italiens, et ce n'est pas un mystère, la presse en Italie en parle, c'est qu'ils vont nous faire le coup de la crypto-monnaie. Et là, s'ils font ça, comme ils vont faire exploser l'euro. Ils font exploser l'euro. Tout le monde dit que ça va venir d'Italie, c'est marrant en plus d'ailleurs. Que l'euro va exploser après les élections italiennes. Tout le monde est comme en ça. En France, on dit ça ? Ah oui, j'entends souvent dire ça. Parce que la situation est ultra tendue en Italie. Ah oui, les questions sont ultra tendues. Ils sont à moins 450 millions. Non. Et la banque des Pasquiliciens, c'est. Moi, j'ai regardé cette histoire-là, je me suis dit. C'est d'eux qui va venir le coup de. Je veux dire, c'est. Là, ils font ça. Ils mettent l'euro à eux. Tu sais que l'euro, est, en fait, il y a une compensation. Tout à fait. Ils le mettent en crypto-monnaie. D'accord ? Espèce d'euro italien. Ils disent ah, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Ah, mais moi, je ne savais pas. Tu diras Beppe Grillo, mais il se trouve qu'il y a 20 millions d'Italiens qui, avant que la loi soit supprimée, ont acheté, d'accord, des crypto-euros. C'est terminé. Ils les tiennent pour les boulettes, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, j'espère qu'on a réussi à dire ce soir, comprendre d'abord que c'est une réalité qui est actuelle, ouais. Qui n'est pas à venir. Deux, et cette question-là est vraiment très importante, et elle est vraiment, elle existe déjà. Ouais. On ne nous en parle pas. Je pense que c'est parce que on ne veut pas paniquer les personnes sans doute. Je sais pas il y a une grande partie. Il faut comprendre que la classe dirigeante, quel que soit le pays, à l'heure actuelle, n'est pas à l'auteur pour ça. Sans doute des banquiers, oui, parce que oui. C'est leur métier. Mais ils ne sont pas à l'auteur de ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe du tout. Ils sont largués complètement. Hein, et je suis prêt à prendre sous le plateau n'importe qui vient de me dire qu'ils comprennent quelque chose. Parce que moi, j'ai. Ces questions-là, je ne l'ai pas commencé hier. Je n'en comprends même pas comme. Tu sais, McPhee, il a dit avec sa finesse à lui qu'il était prêt à se manger son pénis si jamais il se trompait. Et il n'a pas dit comme ça de manière plus vulgaire. Mais la chose qui est évidente, c'est que lui il voit le bitcoin entre 500 000 et 1 million de dollars dans les années à venir. Je pense que lui continue d'ailleurs à penser à la tokenisation, à la capitalisation du bitcoin de manière linéaire. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, les crypto-monnaies vont tellement augmenter qu'il va y avoir un saut qualitatif et il va y avoir des. Par exemple, pour les Africains, imagine un Africain, d'accord, d'un pays pauvre, pour le Mali, d'accord. Le déficit par rapport aux monnaies qui soient installées ou pas, il est énorme. D'accord ? Tu as maintenant des personnes, je ne connais pas le Mali, hein, je ne parle pas de similitude par rapport à notre zone très sous-développée d'Europe qui s'appelle la Calabre. Imagine qu'il y a toute une série d'une zone de personnes. D'accord, tout le monde a un téléphone portable maintenant en Afrique, c'est pénétration. C'est vrai. Imagine qu'on fasse une crypto-monnaie au niveau des Maliens Et on se dit finalement qu'on ne va pas aller chercher les centimes d'euros pour se payer comme ça au marché. On va se payer avec ça. Mais je veux dire, mais tout le monde a un téléphone. Ça va se faire du jour au lendemain pour des sommes cumulées de millions d'euros. C'est presque une histoire. On vit ces pays-là. Mes amis m'ont dit qu'ils ont vu des choses. Tu es au marché, t'achètes des piments, t'achètes des bananes. C'est incroyable, quoi. Tu vois, c'est parce que ces pays-là, ils ont encore plus intérêt à le faire que parce qu'ils sont eux, par définition. Ils sont quand même lésés dans le système d'État international. Déficit commercial, déficit bancaire. Voilà, donc leur intérêt est complet de faire ça. C'est-à-dire tout ce qui est intérieur, tout ce qui n'est pas quelque part, j'ai envie de dire, ils font la nique au grand pays en faisant ça. C'est le seul moyen, presque même. C'est incroyable. Après, on va voir comment ça va réagir. Mais ça pourrait finir en guerre aussi, un peu. Michel Drac, il avait parlé, j'avais vu une de ses vidéos, il disait « Ah, nouveauté cette année-là, j'ai vu que Maduro, donc le président de Venezuela, avait décidé de se suicider. Parce qu'il a dit « Je vais faire l'IPESOS ». Et tu sais que Saddam Hussein, Gaddafi, etc. Gaddafi. Sont tous morts. Sur des problèmes de monnaie, oui. Oui. Et lui, je me suis dit, je ne sais pas s'il s'est suicidé. Ce qui est certain, d'accord, c'est que, de toute façon, son pays, il a attaqué, guerre de quatrième génération, tout tralala. Mais par contre, une fois, il a une arme énorme, Maduro. Il a une arme. Fais attention, parce que si j'ouvre, une banque au pétrole, en crypto-monnaie, tu vas t'en sortir. Les gens, ils vendront ta monnaie de singe qui s'appelle billet vert. Ils vendront mon pétrole à moi qui est le meilleur du monde. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est ça qu'il y a derrière. Et ça se passe. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand on a fini cette émission, les gens ils disent merde, mais ça t'est plaît, on raconte des choses. Je ne sais pas ce que j'ai compris, pas compris, mais on a entendu se passer quelque chose qui est énorme. C'est énorme, c'est l'argent. Tout le monde sait que l'argent tient le monde. Là, c'est la chose la plus importante. Il y a des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Hein. Et bien, l'argent, il est en train de changer. Je ne dis pas disparaître, mais changer. Non, mais c'est important. Ouais, mais c'est fondamental. Parce que là, c'est comme une révolution. L'argent, c'est la valeur générale. Ouais, ouais. Et cette promesse sur le futur, elle va complètement mettre en branle tout. Cette promesse future qu'il y a dans l'argent, c'est-à-dire avec moi, tu vas acheter la même quantité de manière frangisse, etc. et tout, sur les quantités, sur les qualités des choses, elle va changer. Alors, allez, je prends les dernières questions. On me demande, est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre la proof of work et la proof of stake? Non. Trop compliqué, ça c'est le truc que tu les renvoies sur internet. Il y a des sites pour ça. Je ne veux pas insulter ce monsieur, mais cette dame, je ne sais pas, mais non. Parce que voilà, c'est des maths. On en parle comme ça. Les proof of stake, les proof of work, c'est en fait, ça sert à prouver que tu es détenteur de la somme que tu dis que tu es. Voilà. Et voilà, aussi, on nous demande, on nous dit, mais à la fin, est-ce que finalement, le fait que ces monnaies-là, avec leur développement, elles vont finir par tuer toutes les autres monnaies, enfin les monnaies traditionnelles, non? Je ne sais pas comment ça peut finir autrement. Ouais. Je ne te dis pas. Là, enfin, dans le scénario, là, que tu vois, ensuite, il me dit, mais à la fin, il n'y aura plus de monnaie traditionnelle. Prends un exemple que beaucoup connaissent. Quand tu vas au casino, quand tu vas à la fête de lutte ouvrière, oui. D'accord, tu rentres dedans. Comment tu es rentré dans le pays du communisme, d'accord? Tu vas laisser 20 euros à l'accueil et on te donne des jetons que d'accord. Tu vas consommer que à la fête de lutte ouvrière. T'as jamais été à la fête de lutte ouvrière? Non, désolé. Alors, je suis pas assez gauchiste pour ça. Je suis désolé. Non, je rigole. Je suis jamais allé. Là-bas, juste pour parler. Quand j'étais étudiant, j'y allais parce qu'il y avait plein de nanas et puis que la bière coûtait très peu. Mais tu vas là-dedans. T'as une économie qui se fait avec ces jetons, d'accord? Qui n'existe que là, parce qu'une fois que tu sors, tu vas pas aller à Présunis. Tes jetons, tu vas les dépenser. Et c'est exactement ce principe-là qui va se généraliser partout. Partout. Et c'est la chose qui ça peut être aussi une manœuvre, s'ils ont assez de force pour pouvoir, de force militaire, je veux dire, de coercition suffisante, ça peut aussi être un espoir pour la Banque mondiale d'instaurer une monnaie. Ça peut être aussi le cas. Par contre, moi, j'y crois pas, cette hypothèse. parce que je pense qu'il existe déjà une monnaie universelle qui s'appelle le dollar. Ouais. Et le dollar a besoin d'une infrastructure de soutien économique fait d'avions de guerre hein, qui est très grande. Déjà, il ne s'arrive pas avec le dollar. Vouloir ça de manière mondiale avec des États qui ont à peu près des armes de destruction massive qui sont aussi fortes que les tiennes, je ne vois pas comment tu vas convaincre Vladimir Poutine ou les Chinois de que ta monnaie virtuelle elle est meilleure qu'elle a leur. Je ne vois pas. Donc je ne pense pas que cette hypothèse est plausible. Moi, je ne vois pas comment ils vont faire ça. D'accord. Pourrait imaginer, alors ça pourrait être aussi source de conflit alors à l'avenir peut-être. Ah ben ça, mais c'est déjà une cause de conflit, c'est-à-dire c'est que faut faire attention, le langage n'est pas encore belliciste et guerrier, il y a des précautions langagières qui sont utilisées un peu partout par les États, par les ministres et tout, mais tu vois, quand par exemple il y a le premier ministre, je crois, d'Inde qui il y a deux semaines a dit chez nous on va interdire le Bitcoin, toute la planète a rigolé, mais divine, pratiquement comment ça se passe? Parce qu'on ne sait pas faire, ça c'est impossible. Ou alors il faut couper Internet, ou dire aux gens... Mais comment tu vas faire? C'est comme si je dis, ah mais chez moi, c'est fini, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité. Mais moi je viens chez toi, je te fais l'électricité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ouais. Moi je comprends. Donc la prochaine étape donc, de ce qu'on va vivre là, parce que là on a bien vu que les États essayent de légiférer tant que bien que mal, en tout cas de s'intéresser à ce qui se passe... Mais ils m'ont l'air, comme tu me dis, un peu largués. Voilà, ils sont largués. Parce qu'en ce moment-là, ils ont d'autres chats à fouetter. Mmh. D'ailleurs, il y a une grande crise économique, etc. Ouais. Et ils ne voient pas qu'ils sont en train d'organiser toute une économie sur une chose qui va leur glisser sous les pieds. Je pense que c'est le moment pour les petits malins de jouer leurs cartes. Voilà, moi je, par exemple, mon fils il a 15 ans, avec ses amis à lui, et il lui arrive pratiquement une fois par mois, il se lève à 2h du mat, ils achètent une Dogecoin, c'est l'année du chien cette année, hein, chez les Chinois, et puis ils le revendent 2 jours après, à une autre heure, il m'a dit qu'il ne veut pas que je vois toutes les heures. Et à chaque fois, il arrive à gagner sur 10 euros que je lui ai donné pour investir là-dedans, il arrive à gagner 2-3 euros. D'accord. Donc ça veut dire si j'en investis 1000, je peux en gagner 3000. Quoi. Ah, bon, c'est à peu près ça. Il y a des vraies fortunes qui se sont faites. Hein. Il y a des vraies fortunes qui se sont faites là-dessus. Hein. D'accord. Donc, et il est vrai que même aux États-Unis. Enfin, c'est ce qu'on m'avait expliqué, qu'aux États-Unis, il y avait même des achats d'immobilier avec du Bitcoin. Pour l'instant, il y a des achats d'immobilier sur des biens particuliers. Mm-hmm. Mais en fait, tu retombes dans le vieux système économique au bout d'un moment. Il faudra quand même, au bout d'un moment, que tu payes ta taxe foncière, ta taxe d'habitation, que tu payes le voisin, que tu as une assurance qui est obligatoire, etc. Et tout. Quelqu'un va venir te voir. D'accord ? Quelqu'un va venir te voir. Par contre, tu peux très bien faire quelque chose. Moi, je ne dis pas que je connais la personne qui l'a fait, ou quand même que j'ai entendu que je la connaisse. Attention, hein, on m'a bien compris. Mmh. Mais moi, par exemple, tu sais comment ça se fait chez le notaire. Au bout d'un moment, le notaire vient, où tu as décidé, après ta promesse de vente, d'acheter un bien, mais pas complètement déclaré. Le notaire va dire, excusez-moi, je voulais prendre un café. Et toi, tu donnes une petite enveloppe au type, d'accord, avant de signer. Alors que la déclaration que tu as faite par rapport au fisc est moindre que celle que tu as achetée. Mmh. Alors, avec le Bitcoin, tu fais exactement ça. Moi, je connais des personnes qui l'ont fait, d'accord. Et non seulement on ne peut pas te choper, mais même le notaire ne peut pas imaginer, te soupçonner que tu as fait ça. Parce que lui-même, de toute façon, il est largué. D'accord. Ça va vraiment, vraiment, vraiment bouleverser. Je comprends. C'est en fait une révolution qui est en marche. Quoi. Ah, complètement. Complètement. C'est une vraie révolution. Hein, au sens technique du terme. Seulement, ça prendra une forme, on ne sait pas. Mais c'est une vraie révolution qui marche et qui laissera des pans entiers de l'économie comme elle est. Elle sera complètement dévastée. Quoi. Et c'est, ça veut dire qu'aussi, on peut envisager que y a des monopoles qui vont être perdus dans cette économie. Puisque si... Il y a des monopoles qui vont être perdus, par exemple, j'ai cité les notaires. Les notaires, c'est quoi? La Chambre nationale des notaires, c'est quoi? c'est une petite blockchain qui s'appelle pas blockchain, dans laquelle une petite mafia de personnes bien logées, hein, qui disent voilà, à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, il on se le dit entre nous, d'accord, et moi je recadastre et tout le monde le sait. Et voilà. Voilà. C'est ça. Ça, franchement, le tir de confiance, qu'est-ce qu'on en a à faire si on a un vrai système de blockchain? C'est tout. Oui, je dis oui, mais si quelqu'un entre chez moi, moi j'appelle les flics, d'accord, et les flics vont venir pour défendre ma propriété. Si je l'achète et personne ne le sait, on ne sait pas qu'elle sait. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ces questions. Mais tu vois, c'est possible. Je comprends. Ouais. Donc il y a des secteurs entiers de l'économie qui vont être complètement ballottés. Mm-hmm. Pour l'instant, ça ne se voit pas encore parce qu'il y a, comment s'appelle cet blogueur, un youtubeur là, Rage. Tu connais Rage? Rage, non. Il a essayé de vivre un mois qu'en Bitcoin en France. Ouais. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. D'accord. Par contre, il nous a montré des choses que moi-même je ne soupçonnais pas. Le fait, par exemple, moi je n'étais pas au courant qu'il y avait des bars dans lesquels tu payes en bitcoin à Paris. À Paris. Ouais. Donc, si tu as envie tous les jours d'avoir tes repas, d'accord. Bon, pour moi, je suis à Sarcelles, donc c'est un peu différent. Tu vois, je veux pas. Mais je pourrais faire ça. Je pourrais aller tous les jours, d'accord, manger sur Paris et revenir. Par contre, en revanche, tu me disais à New York, c'est parfaitement possible. Tout à fait possible. Au Japon, n'en parlons pas. Au Japon, voilà. Londres aussi, c'est très en avance. Bah, Londres, oui, voilà. Mm-hmm. Donc ça va se faire. Mm-hmm. Et puis quelqu'un, il va au bout d'un moment trouver, l'Ethereum, je pense qu'il va faire la peau à Bitcoin à terme, que le Bitcoin Cash va complètement remplacer le Bitcoin normal, on va dire, parce qu'il est trop lent, la technologie est obsolète. Et il va y avoir des ajustements. Mm-hmm. Mais le trend, c'est celui-là. Quoi. En tout cas, la révolution est en marche. Ah ouais, non, mais il faut le prendre maintenant. Ouais, on est dedans maintenant. C'est pas venir. C'est pas venir. Pour dire, il y a une Camelot qui va venir acheter ma Camelot. Non, on est dedans. Mais d'ailleurs, la Camelot, c'est pas la mienne. Oui, c'est pas dans. C'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est maintenant que ça se passe et ça va être. Il y a des choses évidentes aussi qui sont au niveau des trafics, hein, les trafics de drogue, par exemple. Mais c'est clair. Imagine qu'il y a quelqu'un qui a de la famille. Je finis comme ça. Non, c'est moi. Qui a la famille au Maroc et qui a envie de vendre ici à d'autres personnes, d'accord. Pourquoi tu veux qu'il transporte des valises d'argent? Oui. Ça va simplifier. Alors, les Western Union, tout ça, fini. Ça ne sert plus à rien. Le Western Union, justement, les UPS, c'est tout pour l'argent qu'on va envoyer directement par un prestataire des services, parce que tu es travailleur ici, par exemple, et ta famille est au Gabon, au Nicaragua, je ne sais pas quoi. Mais c'est parfait, ça. Mais c'est parfait. Tu envoies de l'argent à ta famille, qui va récupérer de l'autre côté, d'accord. Ni vu, ni connu. Voilà, parce que là, plus besoin de Western Union, plus de commission, ça coûterait moins cher. Donc c'est des. Enfin, commission, il y en a encore un peu, mais bon. Un petit peu, certainement, mais ce sera beaucoup moins, sûr que Western Union. Et ben la révolution est en marche. Bah écoute, merci Francesco. De toute façon, tu reviendras quand ton livre. Quand tu auras fini ton livre. En plus, chaque fois, il arrive quelque chose totalement énorme. Je me dis, je peux pas sentir sans ça. Donc, on sait que de toute façon, l'actualité, elle est mouvante. Il va encore se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'imagine, d'ici là. Vous aussi, j'imagine, vous allez continuer à nous suivre. Si vous voulez participer au live, poser des questions, c'est sur le site patriote.info. Vous allez ensuite sur communauté. Discord, vous vous inscrivez et pour venir en vocal, il faut d'abord passer un entretien. Si c'est pour écrire en texte, vous êtes de toute façon automatiquement troufion. C'est tout ce que vous méritez et c'est normal puisque si vous écoutez ce message, c'est que forcément quelque part vous faites un petit peu partie de la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde!